Bienvenue dans la fucking kermesse. Bonsoir et bienvenue dans la fucking kermesse numéro 28. On aurait aussi pu s'appeler En attendant le déluge parce qu'on est toujours en retard, mais ça ne coulait pas de source parce qu'on n'avait pas d'antenne cristalline. Wow. Ouais. La phrase la plus longue que j'ai eu à dire de toute ma vie. On enregistre ce soir à Marne-la-Coquette en dédicace à toi, Johnny, évidemment. Optique 2000. Et on enregistre pas n'importe quand parce qu'on est le samedi et en compagnie d'un public en folie. Ouais. Donc, oh, donc on se rapproche de plus en plus du Hit Machine, ça me fait très plaisir. Bonsoir à toi, Steven. Salut. Ça va? Ça va. Est-ce que tu fais Charlie ou Lulu, toi? Moi, je fais les deux. Je suis l'Oreo du Hit Machine, la fusion. Bonsoir aussi à toi, Zaza. Bonsoir. Tu as l'air bien fringant. Fringant. Tiens, j'ai jamais entendu cet adjectif. Pour te distinguer, c'est normal. Pour un poney à la limite, un poney fringant, mais d'accord. C'est l'auberge du Seigneur des Anneaux, t'as vraiment peu de culture. Je pense qu'on peut ouvrir là-dessus. À Alexis, le spécialiste d'Apocalypse. Salut. Ça va? Oui, je sais pas si je suis spécialiste. Tu es youtubeur, entrepreneur, t'as des raisons d'être là. Je suis youtubeur, mais je suis pas dans le guide des youtubeurs. Alors que vous. On en parlera après. Tu grilles toutes les tables. Et il y a surtout l'homme qui était venu il y a. Un certain nombre d'émissions. 17 émissions pour nous parler de Frankenstein. Et de avec brio, c'était un peu le parrain de la fucking kermesse pour aucune raison particulière, à part que j'ai envie de le dire. Et il nous revient ce soir en forme, c'est Manox. Bonsoir Manox. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Bah super. Depuis le temps. Alors, est-ce qu'il faut environ 2 ans pour se mettre une fucking kermesse et revenir, c'est ça, j'ai l'impression? C'est ça, ouais, tous les 2 ans. Les 2 ans, c'est bien, c'est une belle. C'est nous, déjà trop. En plus, on sort tous les 2 ans, ça tombe très bien. D'ailleurs, en parlant de ça, on peut commencer par expliquer qu'il n'y a pas de numéro 27. En effet. Ça faisait longtemps. Souvenez-vous, on est passé de la 5 à la 7, comme Patrick Sébastien après le travail. Quoi ? Non, ça c'est une expression, à 5 à 7, je vais expliquer après. Il n'y avait pas eu la FK numéro 6, mais il n'y a pas non plus la FK numéro 27. Pourquoi ? Parce que cette FK Pourquoi, est Steven ? Stockée sur une carte mémoire. Les gens ont le droit de savoir ! Une carte mémoire qui ne fonctionne plus. Et voilà. Moi j'ai entendu une autre explication. En vrai, c'est parce qu'elle était tellement nulle que t'as pas voulu la publier. Mais il me semble, Steven, que ça veut dire que le matériel que vous avez peut parfois être défectueux et c'est un vrai problème. Et peut-être que les gens qui vous écoutent pourraient faire encore un effort. Voilà, là on sent la bureau du capitaine, on sent tous les 9 ans d'expérience professionnelle. Et peut-être. Il a raison parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Et on pourrait toujours avoir plus. Et on n'a pas plus. Donc si vous voulez nous aider, eh bien envoyez-nous de l'argent d'une façon ou d'une autre. Mais vous avez des tickets resto. Mais vous avez rien, vous avez pas de Patreon, vous avez pas de Tipeee, vous avez que... Non, en fait pour ça, il faudrait qu'on finisse d'envoyer les récompenses du truc qu'on a fait mais avant. Mais pourquoi? Bah parce que moi j'ai un Tipeee, j'ai jamais rien envoyé. C'est pas de problème. Est-ce que les auditeurs, il y a des gens qui donnent à ton Tipeee? Ouais. Combien? 100 balles par épisode. Ah ouais, quand même, putain. Pour un aller ça. Ouais. Alors nous bah ouais, donc allez-y hein, les alors gars. Alors attendez, parce que c'est un bon coup à jouer. Il y a peut-être un coup à jouer parce que si Analeps peut gagner de l'argent, je vois pas pourquoi nous on en gagnerait. Mais arrête, mais en nombre de vues, il est quasiment équivalent à la FK maintenant, tu fais même quasiment plus. Équivalent, c'est le meilleur compliment que t'aies jamais fait, je pense. Quasiment équivalent à la FK. Mais est-ce que les gens savent qu'ils donnent 100 balles à un mec qui a un cadre supérieur ou pas? Son salaire, 100 balles pour lui, c'est quoi? C'est un repas à la cantine. Il donne ça plutôt dans la rue, hein, tu sais. Du coup, ce soir, on parle de quoi? On parle de l'apocalypse. Vous l'aurez peut-être deviné à ce petit. On aurait pu s'appeler un peu sémillant. Oui, et puis au titre de l'émission aussi. Probablement. C'est vrai, au titre de l'émission, ça peut aider. Voilà, chez vous, les indices, l'enquête commence maintenant. C'est une AR. Du coup, c'est. Il nous a perdu. C'est pas grave. Les gens, les geeks, savent de quoi je parle. Bonsoir aux geeks, évidemment, on les adore. Du coup, l'apocalypse, on va en parler du mythe apocalyptique, pas seulement dans la Bible, dans plein d'autres choses. Et on va essayer de voir ce que la pop culture en a fait. Qu'est-ce qu'elle a récupéré de ces histoires millénaires qui nous prédisent la fin du monde? Pas grand chose, un film de Roland Emmerich, je crois. On va voir ça ensemble. Mais avant toute chose, bien sûr, comme d'hab. Ouais, on commence par un roule plateau. Ensuite, au milieu d'émission, il y aura un quiz. Ah, toi, tu fais. Oui, j'avais oublié de faire le sommaire. Ah bah oui, je fais le sommaire. La table des matières. Un quiz et enfin une vie Patrick. Et une nouvelle vie Patrick, parce qu'on recommence, on change le format. C'est pas une vie Patrick comme d'habitude, vous verrez ça en fin d'émission. Elle est spéciale. Elle lance une nouvelle ère de la vie Patrick. Et ça, c'est excitant. Voilà. Ça m'excite déjà. Ouais, je suis à fond. Et du coup, on se passe maintenant un petit roule plateau. Allez, on écoute ça. Ça n'a rien à écouter, mais on le fait quand même. C'est là où on balance les. Ok, alors le roule plateau, c'est bien sûr le moment où on conseille des œuvres culturelles à tout à chacun. Qui veut commencer? Steven, je te sens prêt. Ah bah ouais, moi je vais parler d'un livre. Ah mais ah ok, on a que, souvenez-vous. Attention la postérité. Souvenez-vous. Jean Moulin, attention. Entre ici, au Panthéon des podcasteurs. Souvenez-vous que environ vers moins 4000 l'homme invente l'écriture. Ah, en Mésopotamie. Un peu plus tard, Gutenberg invente l'imprimerie. Un peu plus tard, Marc Lavis sort son premier livre. Exactement. Et, et maintenant, en 2017, la fucking kermesse apparaît dans un livre. Bravo, enfin tout ça pour ça. Bravo, magnifique. Aux côtés de l'apéro du capitaine d'ailleurs. Absolument. Absolument. Juste beaucoup... après quand même. Oui, bah oui. Pour... ça, c'est, l'alpha... c'est l'alphabet, ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est vrai. Donc, je ne connais pas par cœur. Deux podcasts majeurs apparaissent dans le guide des youtubeurs et des podcasts de Sébastien Moricard, qui est un livre dans lequel... Moricard. Enfin, dans lequel oh, oh, était belle, non, c'était nul. Oh, si, si, c'était ouais, dans lequel l'auteur pense à toute sa jeunesse. C'est possible. Faites un référencement des youtubeurs et des meilleurs podcasts mondiaux de France, parmi lesquels la fucking kermesse, l'apéro du capitaine et deux trois autres conneries, voilà. Dont l'intérêt est très relatif. Mais voilà. Donc si vous, si jamais vous avez envie d'avoir un livre qui imprime internet, et ben il est médisant. Il est médisant. Des youtubeurs et des podcasts nouvelle édition 2018. Non, et vous l'avez payé pas... combien pour apparaître là-dedans? On n'a rien payé. Il nous a envoyé cet homme, Sébastien, toute son œuvre. Parce qu'il a aussi fait des quiz de geek où t'as des questions qui sont les trucs pop culture. Dedans alors, non, non, on n'est pas dedans. Mais il y a une question, quel est le podcast? Pour dire un truc, Sébastien est quand même un mec qui connaît le sujet. Hein. Ouais. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc je pense pas qu'il y ait des conneries. C'est le fondateur qui est déjà venu dans la DC du coup. Voilà. C'est le fondateur de Geek Mimore, il a fait des quiz, il a fait un jeu de plateau Assassin's Creed, enfin, on a reçu tout dans un carton, tout ce qu'il a fait. C'est un mec qui vient du manga là-bas. C'est mais est-ce que Geek Mimore c'est vraiment une bonne chose? Est-ce qu'on a envie que ces geeks-là se reproduisent Vu que c'est entre eux, ils dérangent personne. Ouais, c'est vrai. Mais c'est mal ce que tu dis. Il nous a même donné des capotes, des capotes à thème Cthulhu et Dragon Ball Z. Non mais en tout cas il dit quoi de beau sur vous alors? Non, en fait c'est nous qui avons écrit sur nous. Il dit que c'est bien et qu'il faut nous écouter. Et il dit d'ailleurs c'est quel d'entre vous qui a écrit le paragraphe? C'est moi. C'est moi. Il y a que moi qui sais écrire ici donc. Et à la fin il dit quand même que ce serait bien d'envoyer de l'argent, je crois. C'est pas écrit mais il l'a pensé en tout cas. Envoyer de l'argent. Ça recommence. Voilà. On a tenu un an sans demander d'argent, ce qu'on en a eu. Voilà, et là, ça revient. C'est le cycle. On peut quand même dire que on est dans un livre. On a atteint un nouveau stade. Même on si est dans un livre. On arrête demain, dans 50 ans, dans une brocante, les gens pourront dire tiens, c'est quoi la fucking kermesse? Allez voir et ne rien trouver. Et ça, ça fait plaisir. C'est beau. C'est ça la postérité que nous laissons derrière. Non, nous. Vous êtes sur archive.org, donc il y aura forcément c'est toujours. C'est capital de l'humanité. C'est un truc qui recense tout Internet pour que ça reste au travers les âges et nous sommes dessus. C'est vrai. Et oui. Dans 2 millions d'années. Les historiens étudieront ce qu'on dit maintenant. Et ils seront attristés. Il y aura Nuremberg 2. Ils diront voilà. C'est quoi le flunch? C'est qui Jospin? Du coup, merci pour ton petit roule plateau. Zaza, est-ce que t'as un petit roule plateau toi? Ouais, j'ai un petit roule plateau. Je suis allé voir un film au ciné qui s'appelle Le Brio. C'est quoi ça, on dirait un film avec Franck Dubosc, genre. Pas loin, c'est avec Daniel Auteuil. Ah, c'est. Non, c'est quand même. Ouais, enfin, Franck Dubosc et Daniel Auteuil, c'est pas la même personne. Ouais, à peu près, à peu de choses près. Ce mec, c'est bien confortable, si marqué, Auteuil. Mais ce mec-là parle toujours un peu comme ça, un peu. Ouais. C'est un peu bizarre. Moi, je n'arrive pas à me concentrer sur ce qu'il dit. Parce ça que lui donne un charme. Ça lui donne un charme. Certainement. Moi, j'aime beaucoup. Les gens qui m'ont donné. Est-ce que c'est bien ou c'est pourri? Est-ce que c'est. Non, c'est très bien. C'est très fait avec brio. C'est excellent, j'adore les bons mots. Bienvenue sur RTL. Oh putain. Donc ton film, on sait toujours pas ce que c'est, à part qu'il y a Daniel Auteuil. Bah, il est aussi devant en ce moment, c'est avec Camilla Jordana aussi qui avait fait La Nouvelle Star ou un truc comme ça. D'accord. Il y a 7 ans. Donc c'était une meuf qu'on avait complètement oubliée de base, bah, en fait qui est une super bonne actrice. Et donc en fait le pitch très rapidement, c'est une fille qui a Assas donc en première année. Qui vient un peu des quartiers un peu sensibles, quartiers un peu chauds. Ouais, elle vient de la cité quoi. Elle vient de la Thèse. Voilà, c'est ça. Et elle qui vient de la Thèse quoi. Qui se retrouve avec les bourgeois. Ah, exactement. Voilà. Et les bourgeois et les fachos. Et, ouais. Et donc surtout. Daniel Auteuil campe un prof de droit complètement facho, réac et raciste. Pour l'instant, c'est un biopic de SAS. Là, ça commence à m'intéresser. Et donc cette fille. Et donc lui, il va. Comment dire? Il va avoir une saillie raciste envers cette fille et du coup il va passer en conseil de discipline dans 3 semaines et le directeur de ah, d'Assas lui dit écoute c'est pour ça le titre. Le brio avec laquelle il a il lui dit écoute tu vas devoir prendre cette fille et en faire ton poulain pour le concours d'éloquence, pour en gros faire une espèce d'action de pub pour que ça passe au conseil de donc discipline. Quand il y a des gens qui sont racistes, on leur dit bah passe plus de temps avec les gens que tu méprises, ça va sûrement aider. Attends, exactement. J'ai une petite question. C'est clairement Assas, quoi. C'est décrit comme ah ça. Ah ouais, c'est Assas. C'est t'as pas posé. C'est un coup de pub pour Assas. Ah oui, oui, c'est un coup de pub. Je suis pas sûr. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est regardez nos qui sont racistes. T'as même le mec qui campe le président dans le film qui est là. Oui, Assas, on a une image de facho. J'aimerais bien qu'on corrige ça. Ah, ça c'est bien. Putain, c'est, ouais, c'est bizarre. C'est, voilà, et en fait, c'est hyper bien joué. C'est assez génial parce que du coup, la fille, donc, il la prépare au concours d'éloquence. Donc, c'est comment transcender un peu sa condition par le langage. Et donc, c'est. Ah, ça, quand tu racontes ça comme ça, ça a l'air un peu chaud en fait. Mais bon, ah, vas-y. Pourquoi ? Non ? Je sais pas. C'est chaud ce que je dis ? Non ? Non, non, ce que tu dis, toi, non. Le film, peut-être. Non, mais non, c'est super bien écrit. Les dialogues sont excellents. Et même si Daniel Auteuil est pas. Je le porte pas très, très, très haut dans mon cœur, elle est brillante. Et voilà, c'est un message positif. C'est rare de ressortir du cinéma avec. Mais ils ont tourné ça ailleurs, j'imagine. Ils n'ont pas tourné ça à non, la fac. Si. Ah si. Si, c'est tourné à Assas. Ah d'accord. En partie, ouais. Donc c'est à dire que l'université, enfin, elle dit OK, d'accord, vous pouvez faire le film, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, oui, d'ailleurs, la phrase de Daniel Auteuil est une phrase d'un vrai professeur. Ah, ils sont peut-être inspirés d'un professeur, à savoir. Ouais. Et ils ont peut-être bloqué la fac, certains, pour la venue de Camilla Jordana. Et Daniel dans, dans cette fac. Incroyable, là. Faut le justifier, ça, c'est pas évident. Eh ben, allez tous voir le brio, hein, voilà. Excellent. Super. Toi, qui a pas fait ? Alexis ? Ouais. Alexis. Moi, j'ai un bouquin ou un film, comme vous voulez. Bah, un film, on sait pas lire. Donc. Le mec a trop de culture. Ouais, c'est ça. Je suis allé voir. Par-dessus le ventre, j'en ai, moi. Tout ce que vous voulez. Je suis allé voir Au revoir là-haut de d'Albert c'était Dupontel. Bien, ça. Ah, il paraît que c'est bien. De c'était quoi ? Très bien. Ouais, c'est très belle affiche. C'est le dernier film d'Albert Dupontel, qui est tiré d'un bouquin de Pierre Lemaitre. Avec donc Albert Dupontel, Laurent Lafitte et l'acteur principal, je sais pas comment il s'appelle, c'est un Argentin là. Ah ouais, mais on l'est pas connu en fait. Ouais. D'accord, Rodriguez. Ah, mais tu es Argentin toi d'ailleurs, Manox. Si, je le sais, che boludo. Et du coup, l'histoire, c'est juste après la Première Guerre mondiale, c'est deux soldats qui montent une arnaque au Monument aux Morts. Waouh, c'est bon. Pour en fait tirer de la thune aux communes. Ils font des faux monuments aux morts. En fait, ils les dessinent, ils les vendent et en fait, ils les construisent jamais, tu vois. Donc, ils se font de la thune et après, ils se barrent. Et en parallèle, il y a Laurent Lafitte, donc, qui était leur lieutenant, qui lui fait une arnaque au cercueil. C'est une vraie histoire. En fait, il coupait les corps et il vendait du coup deux cercueils aux familles, enfin, aux communes, à enterrer et du coup, ça leur faisait plus de thunes, tu vois. Ah, et en disant le corps est déjà découpé, on n'y peut rien alors qu'il disait qu'il l'avait fait ? Non, il disait bah, c'est deux personnes non identifiées. Et c'est deux soldats. Ah, trop bien ! Ouais. Et bref, cinématographiquement, c'est un super film. Albert Dupontel s'est vraiment donné. Et on reconnaît sa patte tout en voyant qu'il a plus de budget. Ouais, il y a un aspect par rapport au film habituel de Dupontel. Là, il y a un aspect beaucoup plus fini. Blockbuster, un peu, c'est ça. C'est un peu Avengers de Dupontel. Ouais, on peut dire ça. Est-ce qu'on retrouve toujours son ambiance un petit peu malsaine, un petit peu malaisante ? Un peu moins. Non, je dirais plus pour burlesque. Moi, c'est Bernie, c'est le bruit des glaçons. C'est le mec qui, quand tu le vois, il te crée un truc un peu viscéral. Tu vois, il a vraiment une tête de psychopathe, de violeur d'enfant. Et j'aime beaucoup ce côté-là. Maintenant que j'avais commencé à dire, ouais, c'est ça. Quand t'as dit, non, mais c'était pas par rapport à ça que disait ça. Soyons clairs. Un peu moins, je dirais plus burlesque. Tu vois, décalé un petit peu par rapport à la situation et donc, tu vois, les morts, etc. Et en plus historiquement c'est hyper intéressant, ça explique plein de trucs. Okay. Et du coup et je ferai un analyse sur le fait qu'il y ait deux cercueils au lieu d'un. Tiberi pouvait faire voter encore plus de gens. Pas con. Non, et le film est très beau surtout. Très beau. Parce qu'en fait le personnage principal c'est une gueule cassée, donc il a la moitié du visage arraché donc il porte en permanence des masques pour se cacher parce qu'il a honte de son corps. Et les masques sont hyper beaux, sont super bien travaillés et ça donne vraiment une ambiance particulière au film. Pour le jeu d'acteur, ça doit vraiment apporter une prestance, quoi. Tu vois vraiment toute la palette des émotions derrière son putain de masque, quoi. Et bah, figure-toi que quand même. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que quand il est vénère, il change de masque et tout. Oui, premièrement. Et deuxièmement, il joue beaucoup avec ses yeux et il joue très bien des yeux. Il a vraiment un globe oculaire expressif. Mais je crois qu'il a fait l'option pour Florent. Encore une fois, merci Johnny et Optique 2000. Mais attends, parce que tu dis qu'il y a un acteur argentin dans le film qui parle français, j'imagine. C'est un, non, il fait parle, le rôle d'un poilu Il parle pas parce qu'il a plus de bouche. Ah d'accord. Ah bah c'est facile ça. Ah super l'excuse. Dans tous les films, on va avoir des papiers. Je parle pas, c'est bon. Parce que si le mec parle avec un accent espagnol, ça peut être paraître un peu. Comment tu parles sans bouche avec un accent espagnol? Non non, il parle. Tu parles avec les mains. C'est tellement raciste. Excellent. Oui, mais je suis espagnol. Bref, c'est un excellent film. C'est sa 7e semaine d'exploitation, quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez aller voir, allez-y maintenant. Non, parce que, tu sais que ça sort 3 mois après. Oui, qu'on c'est vrai. Resté, je viens d'y penser. Oui, donc, achetez-le en DVD. Il est déjà sorti. Il y a le coffret Blu-ray. Putain, Manox, as-tu une œuvre à conseiller à tout le monde avec ton Alors, une œuvre. Je sais pas si c'est le mot, mais j'ai découvert un documentaire qui est sorti en 2012, qui est un peu ancien, mais qui est toujours d'actualité parce que il s'agit d'une histoire d'un fait qui s'est déroulé, il me semble, au début des années 2000. Enfin, fin des années 90, début des années 2000, et c'est un truc complètement dingue. Ça s'appelle non, ça s'appelle Imposter, The Imposter en français. Et c'est l'histoire d'un. Donc c'est, je peux pas tout raconter, mais je vous décris rapidement. C'est incroyable. Il fait nous saliver. Voilà, ça se passe aux États-Unis, au Texas, blablabla, etc. Et une famille qui a un enfant qui a disparu quand il avait, je sais pas, 10-12 ans, reçoit un coup de téléphone de quelqu'un qui dit voilà, avec un accent un peu étrange, je suis votre fils. Je suis Jean-Yves Le Drian. Je vous appelle d'Espagne en fait. Je me retrouve dans un centre en Espagne. C'est moi, je suis là. C'est un scam. Alors, je sais ivoirien. Plus si c'est exactement lui qui dit ça ou quelqu'un qui dit on a retrouvé votre fils. Et donc une des personnes de la famille part à Madrid récupérer cet enfant, cet enfant qui est devenu un adolescent. Et le ramène aux États-Unis. Et on comprend pas très bien en fait ce qui se passe, etc. Mais on sait que dès le début, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est un imposteur en fait, qui n'est pas l'enfant légitime de cette famille. Et tout ce qui se découle après est totalement inattendu. On ne sait vraiment pas ce qui se passe et c'est complètement hallucinant. C'est très bien réalisé et notamment en fait l'individu en question. Et fait la narration en partie dans le documentaire. Et c'est très bien réalisé. Ça dure une heure et demie, un truc comme ça. Et il y a des espèces de comment on appelle ça, des dénouements très étranges. Et tu n'y crois pas. Moi, j'y croyais pas à cette histoire. Et pourtant, c'est vraiment produit. Voilà. Mais c'est un documentaire ou c'est un documentaire. C'est un documentaire, ouais. Donc je vous conseille de le voir. Ah non, il n'est pas du tout joué. Bon, t'as des scènes reproduites, tu sais, comme dans n'importe quel documentaire. En 3D, normal pour qu'on y croit. Qui soit, voilà. Mais le documentaire est très bon. Il y en a un deuxième documentaire rapidement qui est moins bien réalisé, mais dans le fond, qui est assez intéressant. Ça s'appelle Icarus. Et donc, c'est ce qui a découlé en fait l'espèce d'événement qui s'est produit. Là, vous savez que la Russie avait été interdite des Jeux Olympiques parce que à cause des dopages. Et en fait, ça provient de cette histoire-là, enfin de ce documentaire où le type s'est retrouvé. Et grosso modo, c'est l'histoire d'un mec qui est un cycliste et il dit voilà, je vais vous prouver comment Armstrong a fait pour ne pas se faire gauler durant les tests antidopage. D'accord. Et il se retrouve en fait en demandant, en parlant des gens, etc. Il dit écoute, voilà, on peut te conseiller quelqu'un, un Russe, un spécialiste du dopage et de l'antidopage, justement pour cacher ce genre de choses, qui pourra t'aider à faire cela. Et il s'avère que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, puisque c'est comme ça en fait que la Russie s'est retrouvée. Il y a un complot. C'est intéressant. Ah là, on est dans le complot complet. Ah ouais. Mais en l'occurrence, complot complet. Ça sonne bien complot complet. Ah non, mais c'est incroyable. Honnêtement, enfin, le documentaire est pas forcément extraordinaire. À mon sens, mais par contre le sujet est bon. Le sujet est très bon, ouais. Et c'est d'ailleurs un peu bon, la fin on la connaît hein, puisque les Russes aujourd'hui vont quand même faire leur coupe du monde. Sachant que tous leurs sportifs sont dopés. Hein. Voilà. Et Manox vend très très bien les choses. Hein. Les deux documentaires donnent envie là. Et pourtant c'est des documentaires, je sais que moi j'aurais normalement. Tu m'étonnes. Moi je suis pas fan de documentaires. Tu m'étonnes qu'ils aient plein de thunes à l'apéro du Capitaine avec un commercial. Bah oui, si tu vends l'apéro comme ça, forcément tout le monde paye. Vous avez pas mal la bouche à force de sucer par contre parce que. Et justement là on va parler un peu de choses un peu culturelles. Des choses un peu culturelles qui n'intéressent que les gens cultivés. Moi je parle de cauchemar en cuisine. Ça intéresse les gens. En ce moment, qu'est-ce que je fais? Je rentre, je regarde cauchemar en cuisine. Pourquoi? On ne sait pas. Sûrement parce que. Je prends. Personne ne s'est demandé en fait. Non, je me sens fou. Moi, on me dit de parler, je parle. Qu'est-ce que c'est que je m'en cuisine? C'est une émission nulle sur M6 où Philippe Etchebest, un homme. Putain. Bah, je vais pas regarder, non, moi je veux voir le rugbyman du Pays Basque, chauve, qui vient gueuler sur les gens. Il est affreux ce mec. Il est affreux, mais moi je l'aime bien. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Et il vient réparer. On voit des restaurants dégueulasses. Pas bon, qui après sont mieux parce que Philippe c'est un peu le grand frère du resto. Est-ce qu'il y a un épisode sur Panasi le sushi où on allait manger Je pense qu'il pourrait y en avoir. On y a été hier, effectivement, ça serait bien qu'il vienne. Encore mal au ventre. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je pourrais le conseiller? Moi, ça m'intéresse parce que de là, c'est nul. On peut faire autre chose en même temps. On peut... Ça m'intéresse parce que c'est nul, oui, d'accord. J'aime bien les choses kitsch, les trucs. C'est. Tu vois. Les en portugais. Plus... oh, en plus, suffit. Vu que je cuisine mal, je me dis ah bah lui cuisine aussi mal que moi, mais il a un restaurant, je pourrais peut-être ouvrir un restaurant. Je me fais des petits non, attends, voilà, je me dis je pense bon. Que les gens cuisinent pas bien. Un restaurant de sandwich trio. Ils savent faire des pâtes. Un restaurant à Périgueux. Moi, je suis fait. Mais pour ta défense, c'est vrai que sociologiquement c'est intéressant parce que tu vois vraiment en je sais pas en 35 minutes t'as entendu un nombre de beaufs. Ouais, c'est ça. Qui est quand même assez incroyable. Et le pire c'est que ça, je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis trop naïf, mais ça a l'air de marcher pour ces gens. Ils ont l'air de, en gros, ils sont pas bien, ils ont besoin d'un père, d'un repère. Et Philippe fait, c'est pas bien, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Vous êtes des merdes. Ils font ah ok d'accord. Et du coup ils se mettent et ça a l'air de fonctionner pour eux en fait. Et Philippe, même si il a l'air assez simple, il a l'air d'y croire à ce qu'il fait et ça me touche. Oui, voilà. Surtout ouais. Avec le chèque qu'on lui donne. Non mais c'est sûr. Non mais il l'a dit. Moi ça on me paye, ça me fait de la pub, c'est super. Ouais, puis je vois bien les mecs qui arrivent dans la cuisine. Tu leur fais un truc dégueulasse. Hein. tu te casses pas la tête là. Tu leur fais vraiment une andouillette de merde. Ouais, donc il y a Philippe qui est là. Donc tu te casses pas. Non mais sur les prises parce que c'est trop. Réussi. Comme la FK, c'est pour ça que la FK ne passe pas, la 27, parce qu'elle était trop réussie. Et oui, je crois que c'est ça, ouais. Mais c'est un peu bête, mais moi ça me touche, c'est simple. On voit des gens beaufs qui disent n'importe quoi, ça me fait rire. C'est ce que j'aime, c'est comme le kitsch. Comme aujourd'hui aux Champs-Élysées, quoi. Oh et pas Johnny. Alors tout va pas. Moi je me t'es malade. Je quitte le plateau. On critique pas Johnny Hallyday. C'était le plus grand. C'est sûrement un signe de l'apocalypse qu'il soit mort. Et ça tombe bien qu'on dise ça parce que on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet et parler de la fin du monde. Putain. Parce qu'on arrive là c'est avec beau. La mort de Johnny à la fin d'un monde. Et ça, c'est beau. Ouais. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Alors, l'apocalypse. On sait tous à peu près comment le monde a été créé. Jésus l'a dit, Dieu l'a dit, c'est bon, en 7 jours, je fais le taf, et c'est nickel. Il y a beaucoup de mythes fondateurs qui créent des cosmogonies. C'est comme ça qu'on appelle Simon en grec, c'est cosmogonie, ça exactement. C'est ça que tu dis ? Eh oui. D'accord. Récit c'est à côté de la Patagonie du monde. Il y a Florent Pagny, il a un très beau chalet en cosmogonie d'ailleurs, il y va souvent. C'est les mythes qui sont en rapport avec la création pour essayer de comprendre pourquoi on est là, comment ça se fait qu'il y ait des arbres fruitiers, etc. On par exemple, la Genèse ou, je sais pas, chez Platon, le Timée. Genèse. Ah, wow. C'est avec Pumba, ça. Timée et Pumba. C'est ça. Ah, c'est... Tata au Timée. Ça serait une belle œuvre pour expliquer Platon. Mais il y a aussi des mythes eschatologiques. Pardon. D'accord. Alors ça n'a rien à voir avec le caca. Là, tu m'as. Ah, okay, tu as mon attention. Ça n'a pas à voir avec le caca. Tu peux arrêter d'écouter. Okay. C'est les mythes qui concernent la fin du monde parce qu'on se dit on est là, mais il y a des gens qui meurent. Donc peut-être le monde, il va mourir aussi. Et on sait dire comment c'est ça. C'est une belle explication de ce que c'est. Hein. Bah ça explique pourquoi on fait ça parce que oui, nous vu que le monde il s'arrête pour nous, on se dit. Bah, le monde a été créé, mais il y a un sens à tout, donc faut qu'il y ait une fin. Bah peut-être c'est mieux dit. Effectivement. Bravo Alexandre, bravo Dassa. Donc il y a des mythes eschatologiques qui racontent la fin du monde. Mais il n'y en a pas qu'un seul. Nous, on est judéo-chrétiens, on pense à l'Apocalypse dans la Bible, Saint Jean, on va en parler pas mal. Mais il y a énormément de mythes qui précèdent l'Apocalypse. On est judéo-chrétiens. Pourquoi on est judéo-chrétiens, nous? Ouais. Bah parle pour toi. Ouais. Ouais. La France, c'est une culture judéo-chrétienne, donc pour l'instant, c'est pas. Oh non c'est un pays laïque ici. Ah, je suis choqué, j'ai quitté l'émission. Bien sûr, on sent maintenant Finkielkraut pour confirmer ma thèse. C'est Mogherano, quoi. C'est Mogherano, on dirait du le jambon Mogherano. Il fonce sous la langue. Et du coup, il y a des mythes. C'est tout vous qui me parlez, qui dites que je suis raciste. Arrêtez. Bon, d'accord. Alors, donc toi, tu es judéo-chrétien. Et tu es blanche cisgenre. Et tous les samedis au Puy du Fou avec mes potes, on en discute, ok. Ok. C'est pour quand la prochaine croisade, Stavro? On a prévu ça en décembre, il faisait un peu trop froid, on s'est mis sur février. Le podcast judéo-chrétien. On va jusqu'à Poitiers déjà en ah ouais, mais ouais, j'ai pas envie d'être le podcast judéo-chrétien. Moi ouais, non plus, clair. Je dis. Attends, on va avoir un contrat de avec un invité pour la prochaine fois. On va passer sur Radio Courtoisie. Tous les lundis soirs, retrouver la Bonsoir, Vicky Kermesse. Bonsoir, l'AFK. Non, mais je parlais juste de culture. On va parler de l'immigration. Tu veux qu'on écrive ça dans la Constitution ou comment ça se passe? Je suis allé trop loin, je vais reprendre. Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est non, mais juste France, la culture, bon. Les Grecs, etc. La Mésopotamie. Les Grecs judéo-chrétiens, ouais. Oui, bah oui. Ouais. Bon, bah, parlez à ma place. Chiche kebab, tout bordel. Vas-y, alors, cette semaine, intro de vie. Non, produis-toi en nous, Steven. C'est ton travail. Donc on est judéo-chrétien, la suite. Non mais oui, d'accord. Ouais. Moi je dis ça, bah juste. La vision occidentale. C'est tout ce que je voulais dire en fait. Regarde, depuis Et bah voilà, il fallait dire ça. C'est la vision occidentale fait qu'on s'appuie beaucoup sur la Bible et l'Apocalypse selon saint Jean. Mais avant ça, il y en a eu beaucoup. Il y a eu les Bibles hébraïques, Livre de Daniel. Le livre de Daniel. Avant ça, il y a même eu le zoroastrisme. Qui est créé en Iran. L'ancienne Perse. Yazd. Il y a l'épique de Gilgamesh aussi à Babylone. Tout cela contient des mythes de la fin du monde. Et après, même la Bible, il y a eu le Ragnarok dont on vient d'en parler. Donc il n'y a pas que nous. Tout le monde en fait. Pourquoi tout le monde en fait? C'est un genre littéraire à part entière, justement. C'est un genre littéraire, c'est-à-dire qu'il a ses propres caractéristiques. Et on peut essayer de voir. Il a des codes. Pour commencer, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, dans les détails, dans le touffu, quelles sont les grandes caractéristiques de ce genre littéraire? Parce qu'on va l'aborder comme ça. Je pense que pour le comprendre, il faut déjà expliquer ce que veut dire Apocalypse, non? Alors. Bah non, mais ça. Tu veux parler grec? Ça induit ce que signifie le. Mais on t'en prie, le genre. Que veut dire Apocalypse? C'est la révélation, en fait. C'est. Le dévoilement. Voilà. Et là, on revient dans le judéo-chrétien et Nadine Morano. Moi, je veux pas revenir dans Nadine Morano. Toi, tu l'as jamais quitté, tu te sens très bien, t'as pas envie d'y revenir. T'y es. Merde. Et du coup, le dévoilement, la révélation. La révélation. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que toi, tu veux parler d'Heidegger maintenant ou jamais? Ah non, pas d'Heidegger, parce qu'on va se calmer avec les nazis, mais. on a déjà Alexis à table, ça fait beaucoup. On veut bien avoir un quota, mais bon, pas trop non plus. Globalement, en effet, c'est des récits de la fin du monde qui sont annexés sur une vision religieuse. Et donc, c'est l'Apocalypse, c'est à la fois la fin du monde. Mais c'est pas juste parce que c'est fini et genre bon bah voilà on se casse, le concert est fini, c'est parce que on arrive à son terme, d'accord, c'est la fin. Est-ce qu'il y a un rappel? Est-ce que Dieu fait bon d'accord je reviens, allez, bah, une semaine de plus, on verra. Mais Céline, on réouvre les McDo, dans ce que d'accord. Tu dis, il y a toujours une notion, enfin j'en sais rien, mais j'ai le sentiment que sur une notion aussi, la façon dont tu le décris, c'est bon, c'est une sorte de fin en soi un peu, voilà, mais il y a aussi, j'ai l'impression, enfin de l'extérieur, quelqu'un comme un peu pauvre culturellement, qui n'est pas chrétien, voilà, et de un peu quand même de fin, mais dramatique quand même. Ah oui, bah faut que ça pète un peu, c'est le final quand même, c'est comme au feu d'artifice, mais de menace porteuse d'espoir. Ah oui, c'est ça. Attends, excuse-moi, après 2 heures de concert, Johnny il fait quoi? Il fait l'envie d'avoir envie, il le fait pas avant, c'est à la fin, ouais. Faut que ça pète. Ouais, c'est mais ça. L'Apocalypse, c'est ça, c'est l'envie d'avoir envie. En fait, peut-être que du coup, pour rebondir là-dessus, on peut parler de la structure globale du récit d'Apocalypse. Il y a plusieurs caractéristiques. Il y a 2-3 grands moments qui reviennent quasiment systématiquement. Bah déjà, on a dit que c'était un dévoilement. Le mec va pas me laisser parler. Ouais, pardon, vas-y, ouais. C'était juste, on a dit que c'était un dévoilement avant que tu commences à faire la liste. Dévoilement, ça implique que Dieu, il arrive, il est là, il se montre. Il fait regardez, je suis là depuis le début, j'étais bien caché. Donc, c'est-à-dire qu'il y a Deus ex machina. Il y a une réalité transcendante, donc qui est en dehors de notre monde, ça veut dire ça, transcendant, et qui arrive pour dire bah en fait, je suis là, les gars, je viens vous voir. Ça, déjà, c'est le premier truc de l'Apocalypse. Dévoilement, en fait, il dit la fête est finie. Ça y est. Ça, c'est vrai. Il faut un peu le bordel pour. Il arrive. Ouais, c'est ça. Il arrive sur Terre et donc la première étape, c'est la destruction du monde tel qu'on le connaît en fait. Voilà. Ça, c'est toujours le point de départ du. Ouais, tu peux même placer avant. Il y a souvent des signes annonciateurs. Ah oui, ouais, ça, mais on dans va les grandes venir. Étapes. Mais après, on va rentrer dans le détail. Mais dans les grandes étapes, je dirais qu'il y a 3 étapes en gros. Il y a la destruction du monde d'abord. Il y a le monde du colifichet. L'étape, elle est assez dure. Hein. Cette année, ils n'ont pas réussi. Étape, Tour de France. Voilà. Merci à tous. Je n'étais pas là. Bon. Vous n'étiez pas là, mais nous, on était là. Mais on était en haut. Avec là. Les drapeaux, on a vu l'arrivée. C'était incroyable. Ah, le Hollandais, ce qu'il leur a mis. Est-ce qu'on pourrait faire une émission, s'il vous plaît? Et donc, la deuxième étape, c'est l'étape du jugement. Donc, c'est là où le Dieu va séparer le bon grain de l'ivraie. Donc, va juger les méchants, les gentils. Et... Le bon grain de quoi? De l'ivraie. C'est une métaphore biblique. C'est une expression. C'est l'espèce de couche qui entoure le grain, en fait. Espèce de... Ah. Il mettait des couches déjà à l'époque. Putain, ça va être compliqué comme je comprends pas ce que tu veux dire. Bah, si. Dans le grain. C'est bon, il y a blé. À la fois trop d'humour et pas petit point, petit point agriculture. Alors, donc le blé. Alors, non, fais-le avec l'accent de blé. Le grain de blé est entouré d'une petite coque, une petite coque cellophanée, on peut le dire, qui protège la plante et qui devait être, c'est pas qu'elle est impropre à la consommation. Voilà, c'est tout, c'est pareil, le bon grain de livret. C'est ça la religion. C'est le grain. Nadine. Il faut gratter le grain, t'arrives à Dieu. Et moi, exactement. Tu lustres, putain. Du coup. Destruction du monde, ensuite jugement, on sépare le grain de l'ivraie. Ouais. Et troisième étape, c'est quoi ça? Bah, c'est l'arrivée du royaume de Dieu sur Terre. C'est le renouveau. C'est voilà. On a tout détruit, on met autre chose à la place. Ah, voilà. Et donc, c'est une espèce de fin de l'histoire. On fait une sorte de remake. Fin du temps. et fin des douleurs, fin de tout ça aussi. C'est, voilà, pour ça que c'est la fin de l'histoire de l'humanité telle qu'on la connaît, c'est le royaume de Dieu. C'est pour ça Dieu. Que l'Apocalypse a certes une vision, comme tu le disais, Manox, ça fait peur, quoi. Menace, ouais, voilà, de menace, de douleur, mais en même temps d'espoir, comme le disait Zassa. Mais d'espoir, d'espoir que pour ceux qui croient. Parce que si t'es fidèle et que tu crois, c'est là de fond tu vas être refait. Mais si toi t'es là au Jésus, je sais pas trop, c'est chaud. Ah, c'est pour ça que dans les religions, c'est toujours ce qui va poser problème, c'est que faut que tu choisisses à un moment donné, faut pas se planter quand même. Ah, c'est ça, voilà. Faut, t'as pas intérêt à te gourer parce que sinon t'es dans la merde. Ah, mais là, c'est en fait, ouais, c'est, tu choisis, mais les enjeux sont durs. Si c'est pas le Big Mac ou le Big Tasty, c'est plus dur comme choix. Mais si tu choisis pas finalement, t'es peut-être moins dans la merde parce que tu dis à chaque fois. Dans la merde. Bah, t'es baisé de toute façon. Souvent, Dieu, quand tu choisis pas, il dit que t'as choisi. Ouais, mais je savais pas quoi choisir parce que. Il fallait savoir. Il fallait lire. Il y a un choix spécial sur ça. Moi j'ai tout écrit. Ça fait 600 pages. J'ai tout dit. Si tu choisis pas, voilà. Il y avait le manuel. C'était livré avec le manuel. D'accord. Ok. Putain. C'est chaud quand même. C'est compliqué. Putain. Donc, oui, c'est vrai que normalement, en fait, dans les visions religieuses et notamment dans le christianisme, l'Apocalypse, pour des chrétiens, c'est quelque chose qui est attendu et qui est bien. En fait, ça fait pas, ça fait un peu peur parce que voilà, Dieu va se mettre un peu en colère avant d'être sauvé. Ouais, là, il y a quelques étapes un peu intermédiaires qui sont douloureuses. Mais c'est quand même le retour. Pour les chrétiens, c'est quand même le retour de Jésus qui va... Jésus et des morts. Et des morts. Des gens qu'ils ont perdus, etc., voilà. Qu'ils aimaient. Donc c'est le retour du... C'est le royaume de Dieu sur Terre. Et donc du coup, c'est plutôt cool. Même si avant, ça... Il arrive, il est là. Mais est-ce que c'est un rapport avec le Messie chez les Juifs? Enfin, rien à voir. Bah oui. Oui, c'est ça. Le Messie débarque, après c'est le bordel aussi, et puis après, c'est cool. Ouais, sauf que les Juifs, ils sont encore plus relous parce qu'il y a 144 000 qui sont sauvés, les autres vont se faire enculer. Ça, c'est dans l'Apocalypse de Saint-Jean aussi. Hein. Ah, ouais, aussi ouais, oui. Tu l'as pas lu, mais c'est, ah, oui, c'est ça. Non, mais j'ai pas compris le concept parce qu'en fait, c'était le 144 millième. Ah, bah c'est. Non, convertir tes baisers. Non, mais parce qu'en fait, c'est pas. Ils font pas une billetterie à l'entrée. C'est en fait, c'est le paradis, c'est une boîte. Ah, bah y'a plus de place, les gars, désolé. C'est une réservation. J'ai ma carte 12-26. c'est une boîte, vous êtes sur liste. Non, y'a plus de place, il faut attendre 2 heures. Et en converse, c'est pas possible. C'est simplement que la vision. Donc. C'est Saint-Pierre. L'Apocalypse dans la Bible. C'est le videur. Mais oui, c'est ça. L'Apocalypse dans la Bible, c'est écrit par Jean qui a une vision prophétique. Et donc il dit ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. D'accord. Et c'est pas genre il fait la liste, c'est il a vu que va y avoir tant de personnes. En fait, il le sait. Chaud pour le christianisme, ça veut dire qu'il y aura que 144 000 personnes. Non, 144 000 dans la tribu d'Israël, après il y en a 12 000 par-ci, 12 000 par-là, 12 000 par-là, il y en a beaucoup en fait. Et puis il faut aussi replacer dans son contexte. C'est-à-dire que ça a été écrit au moment où les chrétiens étaient très peu nombreux, il y avait moins de gens aussi sur terre. Et donc ça change quelque chose? Bah oui, fondamentalement. Donc ça veut dire que tu vas reprendre le texte parce qu'il y a plus de monde? Bah ouais, là faut prendre en compte l'inflation, en vrai. Voilà, là, c'est mais je crois qu'il a écrit ça, 144 000 plus Euribor 2%, je crois. c'est dans les, c'est dans gorille. Les annexes. Il y a une bourse. du coup, ça c'est le caractéristique principal du mythe apocalyptique, quel qu'il soit dans le Coran, dans Ragnarok, dans la Bible hébraïque. Il y a les grandes étapes, c'est celle-ci. Du coup, on peut directement faire la différence entre les mythes apocalyptiques et les mythes du déluge, qui donnent aussi une fin du monde. Parce que tu vois, Noé, quand la terre elle est inondée, c'est pas les inondations dans les Landes quand on a perdu notre collection de bibelots. Là, c'est les inondations dans les Landes. Dis ça aux gens dans leur maison, comme ça. En plus, l'assurance, moi j'avais pas la clause. Non, j'ai tout perdu. Tu vas te faire plein d'ennemis ce soir dans cette émission. Ouais. Ouais, t'imagines les Landais qui sont pas judéo-chrétiens. C'est clair. Qui en plus ont eu leur maison inondée. Et du coup, le déluge, c'est tout. On inonde tout, on recommence. Donc c'est une sorte de fin du monde avec un renouveau. Sauf que là il n'y a pas de jugement. Et le déluge, dans tous les mythes, il y a beaucoup de mythes de déluge aussi en Inde, en Chine. C'est des choses qui sont déjà passées en fait. Ouais. Alors que l'Apocalypse c'est prophétique. Donc c'est ça la grande différence, c'est que l'Apocalypse ça va arriver. Le déluge ça s'est déjà passé. On est déjà en version 2.0 de la Terre. Chez nous aussi, enfin, chez nous. Chez les judéo-chrétiens. Chez nous, okay. Parce que dans on va renommer la FK chez nous. Dans la Bible, le déluge, justement, oui, c'était de Noé, etc. Il a déjà eu lieu. Oui, bien, c'est ce que je suis en train de dire. En fait, donc, exactement ce que je disais à Alexis, merci de le redire. C'est pour que les auditeurs le comprennent bien. C'est vrai. Et du coup, le déluge, ça a eu lieu. On est en version 2.0, on a fait la bêta, ça a pas bien marché, on recommence. L'Apocalypse, c'est juste la fin, ça sera plus tard. Donc, grande différence, on aurait pu se poser la question, bah, le déluge, est-ce que c'est pas une apocalypse? Non. Voilà. Est-ce que c'est pas la différence entre la fin du monde et la fin des temps? Ouh. Alors, on verra ça. Ça paraît stylé quand il le dit, mais en fait, c'est nul. Non, parce qu'avec le déluge, il n'y a plus de monde. tout est sous l'eau. Ouais, y a, bah, y a pas, rien, y a un monde, mais c'est un monde aquatique. Ouais, Waterworld, Waterworld. Et puis c'est ça. Et puis c'est Aqua Boulevard. Voilà. Aqua Boulevard. Aqua Boulevard. Mais c'est vrai que c'est étrange cette notion de tout est sous la flotte finalement. Attends, ça revient au même. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais vraiment de destruction complète en réalité. C'est plutôt rassurant. Enfin. Rien que dans, comme l'a dit dans Jurassic Park, je ne sais plus qui, la vie trouve toujours un moyen. Hein, voilà. Oh, putain. Bah, et en l'occurrence, avec Noé, c'est un bateau, le moyen. Ouais. Voilà. Ouais, il y a des animaux, non, je sais pas ça. Non, oui, bah, dans le bateau. Et en offshore, frère. Et Théma. Théma. du coup, ça c'est fait. Maintenant, comme l'a dit Alexis, avant que ce soit la fin du monde, la destruction, il y a des choses qui nous laissent penser que ça va arriver. Les signes de l'apocalypse. Ouais, signes énonciateurs. Ah. Ils sont souvent nombreux. Ouais. Bon, je peux vous en donner un. Dans le Ragnarok, le signe que ça va péter, c'est le... Alors, est-ce que tu peux préciser un peu ce que c'est que le Ragnarok? Le Ragnarok, c'est la fin du monde, l'apocalypse, mais dans les religions nordiques. Mais est-ce que c'est une fin du monde aussi? Ouais, c'est... Parce que c'est un renouvellement, en fait, c'est ça? Oui, mais à chaque... Alors, on a dit, Alexis, il y a deux minutes, il y a destruction du monde, jugement et renouveau dans tous les mythes apocalyptiques. Oui, mais est-ce que le Ragnarok... Je suis pas d'accord, parce que dans le mythe judéo-chrétien, il y a renouveau, mais il y aura pas de recommencement. Ouais. Non, d'accord, Ragnarok, ça se distingue pour ça, mais peut-être qu'on y viendra un peu après. Attends, Ragnarok, c'est un recommencement en fait perpétuel d'un cycle. On est d'accord, mais là, du coup, tu rides les étapes. Manox. Oui, non, j'avais une question pour vous, les spécialistes, de ça. Parce que Ragnarok, c'est, quand on dit les religions nordiques, c'est quoi? C'est Odin, les Valkyries, voilà, tout le bordel? Ouais. Donc, Odin, Thor, Loki. Mais c'est une religion, enfin, ça c'est considéré comme une religion à proprement parler? Oui. Ouais, c'est une religion païenne qu'on on a très peu de traces parce que. Alors, je vais piquer la place d'Alexis, mais ça a été, les Eddas, donc les recueils poétiques qui décrivent la religion nordique, ont été écrits en l'an 1000. Et du coup, c'était déjà vachement christianisé. Ouais, du coup, la religion telle qu'elle était pratiquée, on n'a plus de traces parce qu'à l'époque, ils écrivaient pas, ils priaient Dieu, ils n'avaient pas à écrire ce qui se passait. Du une coup, tradition on a que des traditions écrites changées en fait, un peu christianisées. C'est pour ça que le Ragnarok a beaucoup de références communes avec l'Apocalypse selon Saint Jean, parce que les chrétiens voulaient un peu expliquer que les païens c'était nul, du coup ils ont voulu les ramener dans le droit chemin en ridiculisant leur dieu, en montrant qu'ils allaient mourir, etc. Un petit peu. Mais ils avaient déjà ces notions de dieu cette notion polythéiste des dieux de la terre, de la foudre, tout bordel quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, dans le Ragnarok, la plupart des dieux meurent. Il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les dieux. Odin, il meurt, Thor, il meurt. Et tout, ouais, c'est chaud. Il n'y a que chez Marvel que Thor ne meurt pas au Ragnarok. Mais sinon, d'accord. Et qui parle avec un accent yankee, quoi. Oui. Par exemple, plutôt texan, d'ailleurs. Sur les signes, moi, j'ai regardé. J'allais te dire un truc, du coup. J'ai noté un petit mot. Me fais pas respecter ici. Le signe que ça va être chaud dans Ragnarok, c'est le Fibvum Winter. Ah oui, c'est ça. C'est qu'il y aura 3 ans d'hiver très froid qui vont provoquer la famine et la guerre. Donc si pendant 3 ans on a froid, on sait que ça va mal se passer. Bon, si t'habites à Lille, tu te dis bah c'est chaud, ça fait 18 ans que j'ai froid. Ils avaient raison, ça va bientôt partir. Mais c'est des gros hivers, je pense qu'on les a pas encore vus. Winter is coming. L'apocalypse doit être à peu près localisé, parce que s'il fait froid, ça arrivera pas toujours en même temps. Si tu travailles 3 ans à Picard, tu peux commencer à te dire. T'avais écrit au Nugget, c'est l'apocalypse quoi. Donc c'est Fibum Winter, c'est 3 ans d'hiver hyper froid, hyper gros, qui vont créer la famine et la guerre. Et ces trucs qu'on retrouve partout, c'est la famine et la guerre. Dans tous les mythes, il y a la famine et la guerre. En même temps, c'est un peu ce que connaît l'humanité depuis le début. Donc, c'est ça, parce que ça... Mais l'islam est un peu plus funky au niveau des signes avant-coureurs de l'apocalypse. Ah, ils sont funky. Ouais, non. Délire, quoi. Je pense que islam et funky, c'est vraiment l'association. Mais je crois qu'il y a une reprise du Coran version funk qui existe. Allez, elle est super. Je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi, mais bon. Je peux vous lire certains signes, parce qu'en fait, l'islam, en fait, va séparer les petits signes des grands signes. L'islam, c'est grand corps malade, c'est ça? Donc en fait t'as les petits signes avant-coureurs. Et ce qui est très très drôle, c'est quand tu commences à rentrer dans la blogosphère islamique en mode avec les mecs. Attendez Manu, okay. Si tu nous écoutes, c'est pas ce que tu crois, hein. Non, nous fiche pas, nous fiche pas. Je ne crois rien, j'appelle la police tout de suite. Non, on est déjà sur écoute depuis 15 émissions. Tu racontes. Il y a même des gens qui nous écoutent dans la pièce, je crois, donc attention. Ouais, il y a une sorte d'espion ici, quoi. Et visiblement, tout le monde n'est pas judéo-chrétien. Ouais, c'est clair. C'est ça qui me fait le plus peur. Putain, laissez-moi finir. Donc, la blogosphère islamiste. Oui. tu tombes sur des mecs qui sont en train d'interpréter donc tout ce qui se passe en ce moment comme étant des signes avant-coureurs de l'apocalypse. Et comme quoi, je vais vous lire les petits signes, donc ceux qui sont vraiment. Tu vas nous passer un extrait VHS de Ben Laden dans les années 90. Waouh, waouh, attends, pourquoi tu smiles? Non, arrêtez, arrêtez. Point trop d'enfants. Et vous me direz si, à votre avis, on est déjà dans l'apocalypse. Attends, juste une question. Est-ce que dans le Coran, il y a des signes annonciateurs? Ils sont dedans? Alors, c'est dans les hadiths. En fait, je crois qu'il y a la sourate 56 qui dit un peu assez chaud. Pardon. Et en plus, il y a des hadiths après. Donc, ouais, en fait, faut distinguer juste. Ah, voilà. Alors juste, t'as le texte du Coran, ouais. Et t'as ce qu'on appelle les hadiths. Donc c'est des paroles rapportées du prophète. Donc après, il y a une hiérarchisation dans les hadiths. T'as ceux qui ont été entendus directement de la bouche du prophète, donc ils sont considérés entre guillemets comme sûrs, où on ouais. peut vraiment tracer leur filiation et être sûr de l'endroit d'où ça vient. Et après, t'as ceux qui ont été rapportés. Ben, c'est là. Est-ce que les hadiths, c'est de là qu'est née l'expression téléphone arabe. Mais du coup, est-ce que les hadiths, c'est un peu des tweets de Mahomet? C'est un peu. Ouais, on peut dire ça, ouais. Bon, ouais, on va continuer. C'est simple quand même. Ouais. C'est un peu les tweets de Mahomet, parce que moi, je comprends pas sinon. Que des hadiths dans ma team, bien sûr. Ouais, ok, excellent. Donc, je vous lis les signes. Les gens n'occupent. Attends, non, ça, c'est de la merde. L'impudeur et le vice se répandront avec notamment la généralisation de l'homosexualité et du lesbianisme. Ah, est-ce qu'on est dedans? Ouais. Oui. Madine, si tu nous écoutes. Les liens familiaux seront rompus. Les forces de police seront nombreuses. Ah. Le commerce se généralisera, mais les marchés connaîtront dans leur ensemble la récession. Oh là, attendez. Les savants seront corrompus. Les savants aussi, d'ailleurs. Les saisons seront trompeuses. Les morts subites et les assassinats augmenteront considérablement. Ah. On considérera les choses interdites comme licites. Légaliser la ganja. Le temps se contractera. Voilà. Est-ce qu'on est déjà dedans? Alors sur le temps qui se contracte bah, l'année passera comme le mois comme une semaine, la semaine comme un jour. Ça, c'est, toi avec ton quotidien de prof de philo, tu vas pas me dire que c'est pas le cas. Non, ça c'est internet. c'est le TGV aussi. Ouais. Voilà. C'est donc ça c'est les petits signes. Je pense qu'on est quand même pas mal dedans. Hein. Mais ça pue un peu la merde. Dans tous les mythes, on retrouve du coup le délitement de la civilisation, grosso modo. Ouais. Je crois que pour toi, l'homosexualité, c'est le délitement de la civilisation. Alors, c'est pas pour moi. Non, c'est... mais vas-y, explique. Non, mais lui, il est judéo-chrétien, il a dit. Ah, pardon, pour moi. Alors, non, mais attendez. En même temps, les éléments qui sont donnés, c'est des éléments, tu vois, c'est comme l'horoscope, quoi. Tu dis toujours des trucs un peu vagues et puis ça va passer, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, par contre, des choses mauvaises arriveront. Ces histoires de signes, voilà, plus ou moins sur les degrés de, on va dire, de véracité, entre guillemets, ouais. Ça, c'est uniquement dans le Coran, chez les chrétiens et tout, on trouve pas si, ça. Il y a la guerre, la famine, mais c'est pas aussi détaillé, en fait. C'est plus avec les grands signes, parce qu'après, t'as les grands signes, voilà, c'est guerre, famille. Il y a quand même la prostituée de Babylone, la bête à 10 cornes, t'as tous ces trucs-là, quand même. Gog et Magog. Voilà. Bah, ouais. Est-ce qu'on en parle? Ça s'appelle Ijou, j'ai mis Jou. Il y en a qui ont regardé Annalise. Ouais. Est-ce qu'on Bill, tout ça, quoi. Est-ce qu'on en parle de tout ça? Des signes, parce que dans l'apocalypse. Bah, là, c'est plus des signes, hein. Gog et Magog, ils arrivent. C'est déjà la merde. Ah ouais, eux, ils foutent la merde. C'est même plus que. Ouais, mais avant ça, il y a les 7 sauts. Ça, c'est bah, on peut peut-être parler un peu de la chrono vite fait de l'apocalypse. Vas-y. Parce que du coup, l'apocalypse selon Saint Jean, il se passe beaucoup de choses. C'est très. C'est limite. Théâtral, quoi. Il y a beaucoup d'étapes. Pire que ça. On est tombé d'accord sur le fait qu'il avait dû consommer énormément de drogue avant d'écrire ce texte. Oh, je sais pas ce qu'il fumait à l'époque, les mecs, mais. Non, mais c'est hyper compliqué parce qu'en fait. T'es pas juste chrétien sur Blast FM. Non, mais il commence à expliquer la chrono. Ouais, après, chaud, il revient en arrière avec les 7 plaies d'Egypte. Et après, il revient avec les bols. En fait, en gros, il va expliquer plus. Mais c'est ça. Les bols de riz. Non, mais tu sais, il y a 7 étapes. Donc c'est les 7 sceaux du parchemin de Dieu qui vont être ouverts et qui vont à chaque fois libérer une espèce de catastrophe qui va frapper le monde. Et en fait, après il va expliquer les 7 plaies d'Égypte mais qui se sont produits au moment de l'Exode, donc avant l'Apocalypse. C'est pas que c'est les mêmes types de plaies. En fait, le 7... Bon, attendez, regarde, non, c'est simple. L'Exode, c'est différent. Après, il revient au bol et les bols, c'est la même chose. Laissons parler le vrai judéo-chrétien autour de cette table. Attends, en fait, si je retiens de ce que vous dites, c'est que, grosso modo, dans toutes ces religions, il y a des signes annonciateurs, mais des signes annonciateurs qui sont, déchiffrables, en quelque sorte. Oui. Et qui ont une sorte de logique. Oui. Et que c'est un peu tous les mêmes partout. Et donc, faudrait essayer de faire une sorte de mix pour un peu. En fait, on pourrait presque avoir une sorte de recherche d'interprétation de tous ces signes pour essayer de comprendre. YouTube s'en charge. Okay. YouTube se charge de l'interprétation de l'apocalypse, ce qui leur permet de prévoir l'apocalypse à peu près tous les ans. Bah, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le genre apocalyptique, littéraire dont on a parlé, il se caractérise par un symbolisme énorme et qui est souvent pas très cohérent et pas expliqué, en fait. Genre, ça m'a fait beaucoup penser à Lovecraft, genre le Kadhaf, tu vois, quand il va dans les trucs de rêve, c'est genre une page, 10 noms qu'on connaît pas, des chiffres qu'on a rien à voir, genre il arrive avec les 7 couteaux d'Ishtar. 7, c'est quand même un chiffre qui est ultra symbolique. Non, mais tu vois ce que je veux dire, dans le genre apocalyptique, il multiplie les signes, c'est volontaire, je pense. Ouais, mais ça fait appel à une imagerie qui est déjà détaillée dans la Genèse, en fait. Bah c'est peut-être que j'avais pas lu la... Ouais, j'avais vu que l'épisode, le dernier épisode. Ouais, mais si tu prépares pas tes émissions en même temps. Mais, si, mais par exemple, chez les tribus, enfin les tribus, non, c'est pas les tribus, chez les civilisations amérindiennes, d'Amérique latine par exemple, il y avait aussi, il y avait pas des signes comme ça aussi annonciateurs d'apocalypse là, chez les Incas ou les Mayas et trucs comme Ah, chez les Mayas. Chez les Mayas. C'est les Mayas, voilà. Bah oui, ils nous ont prévu l'apocalypse 2012. De 2012. Donc il y a eux aussi qui sont. Ouais, mais il y a eux aussi qui étaient. De... Mais est-ce que ça, c'est eux qui le disent, une interprétation une... justement des Occidentaux. C'est une. C'était pas vraiment une prévision apocalyptique, c'est juste la fin d'un calendrier. Ouais, en fait, c'est, donc, la... c'est parce qu'au bout d'un moment, les mecs ils se sont dit bon, bah 2012, on a le temps de leur faire ça. C'est une pure interprétation de qui que ce soit. Oui, voilà. Du coup, là. En même temps, ça m'étonnerait pas que toutes les civilisations eschatologiques. Oui, voilà, ont prévu la fin du monde. Comme on l'a dit, c'est un truc qui est ancré dans beaucoup de civilisations différentes, l'idée que faut expliquer la fin du monde, genre vraiment ça va s'arrêter, comment ça s'arrête. Après c'est sûr que la Bible c'est plus répandu, le Coran aussi, mais j'imagine ça a fait un carton la Bible. Hein. Alors ça, j'imagine qu'il y a des plus petites soit religions ou civilisations où on a perdu ces traces de mythes eschatologiques, mais il y en avait forcément. Après comme on disait au début, il faut quand même une certaine représentation du temps. Si t'es dans une civilisation où le temps est purement cyclique, il y a pas de raison qu'il y ait une fin du monde parce qu'il y a pas non plus de début. C'est la fin qui donne un sens au présent aussi. Ouais. Mais ça arrive beaucoup quand même avec le christianisme. La linéarité du temps. Bah, chez les trois religions monothéistes principales, puisqu'il y a toujours l'attente de quelque chose, c'est pas ça, non? Ouais, quoi que oui, c'est surtout qu'ils veulent pas que Jésus souffre plusieurs fois. Non, mais c'est vrai, hein, ça fait partie de ça. Hein. C'est je sais plus quel concile qui dit non, mais attendez, le temps est pas cyclique, parce que ça veut dire que Jésus va être crucifié plusieurs fois. Ah ouais, bordel quoi. Et le mec, déjà qu'on a déconné sur là. En plus, il est crucifié tous les dimanches, après on se lasse. C'est bon, on connaît. Regardez-le sur sa croix, super. Tu vas au crucifix ce week-end, toi? Non, j'ai joué la semaine dernière. Non, j'ai déjà vu, c'est bon. Je trouve qu'il se renouvelle pas. C'est assez. Comme les spectacles de Disney, il faut qu'ils changent tous les 6 ans. C'est fait la parade. Ah, ils ont mis Dingo cette année. Sur la croix à poil. Avec son rose-gag et tout là. Ça c'est le premier signal de l'apocalypse. Bordel. S'il y a Dingo à poil sur une croix, c'est l'apocalypse. Sachez-le. C'est écrit, Saint Jean il l'a dit. Les autres signes, donc Saint Jean, faut aussi expliquer que souvent les mythes apocalyptiques, c'est un écrivain qui a une vision à travers un ange et que c'est Dieu qui parle à l'ange et l'ange qui te parle à travers l'écrivain. Il y a une sorte de relais prophétique au sens premier du terme. C'est la parole de Dieu qui est relayée par un ange et après par un écrivain. Il y a toujours un intermédiaire, genre. Il peut pas parler directement à Dieu, c'est trop. C'est trop chaud. Lui-même dans son œuvre en tant que prophète. Ça va, le mec, tranquille. Ouais. Ah bah en même temps, il y a un ange qui est venu lui dire. Donc, Et il lui dit plusieurs fois, en plus, ce que je te dis, c'est vrai. Donc oui, il y a la phrase ceci est certain et véritable. Ah bon, bah d'accord, excuse-moi. J'allais te poser des questions, mais je te crois. Attends, il y a un ange qui vient de dire ça, tu n'as pas eu un an, quoi. C'est vrai. Du coup, en plus, il vient de dire qu'il va y avoir des dragons et des bêtes à sept têtes. Tu fais pas le malin. Tu fais grave pas le malin. Du coup, les premiers signes, donc Jean, il est au ciel, il regarde comment ça se passe. Il y a un livre qu'il faut ouvrir pour qu'on regarde comment ça se passe, la fin du monde, qu'on puisse juger les gens. Mais pour l'ouvrir, il y a 7 sceaux à ouvrir. Et à chaque fois qu'on ouvre un sceau, il se passe quelque chose de craignos. Ah merde. Les 4 premiers sceaux, c'est les 4 claviers de l'apocalypse. Ah ouais, ils sont là. Il y a du coup... Mort, famine, peste. Et le premier, c'est le cavalier blanc. Le premier, c'est le cavalier blanc. C'est l'antéchrist. C'est l'antéchrist, parce qu'en gros c'est un faux prophète. On se dit il est en blanc, il est stylé, il a l'air c'est trop cool. Pâle. Et en fait non, il est méchant. Il fait semblant d'être gentil pour nous tromper. Ah putain. Ça c'est le premier cavalier. Ça abandonne la machine à laver quoi. C'est un peu Emmanuel Macron. <pas de chien. rire> Et donc il se sépare la terre en quatre pour aller semer la zizanie, la peste ou la famine ou ce que tu veux. Ça c'est les 4 premiers. Le 5e c'est les tribulations. En gros on retrouve le sang des martyrs. Je sais pas trop compris. Ouais, ça, c'est un viol généralisé des chrétiens, quoi. Ouais, c'est ceux qui sont déjà morts. Oui, non, mais c'est parce qu'en fait, on fait des trucs avec leurs cadavres. Il y a un truc qu'il faudrait dire pour comprendre aussi un peu l'apocalypse. On va peut-être y rentrer après, mais sur l'interprétation politique, il y a quand même un lien très fort avec l'Empire romain. Et du coup, le sang des chrétiens, c'est le sang qui a été fait, le sang des chrétiens qui a été fait couler par l'Empire romain. Donc c'est pas ça, ils ont fait couler le sang des chrétiens, et ben on va leur faire boire et ils vont crever. On va leur faire boire le sang de nos morts. Le sang de tes morts. On va t'avoir le sang de tes morts. C'est le sang de nos morts en l'occurrence. Pardon. Dieu ce gros forain quoi. C'est ça. Dans l'émission. Le 6e saut, c'est les tremblements de terre qui détruisent les montagnes, les villes, enfin c'est les gros tremblements de terre quoi. C'est 12 ou 13 sur l'échelle de Richter, je pense. Un peu plus. Et le 7e saut, on se dirait tiens, c'est le dernier, mais dans le 7e, il y en a 7. Ah, c'est là les bols. Voilà, c'est là les bols. Le 7e saut, en fait, c'est des 7 anges qui vont chacun sonner une trompette et ça va amener un fléau. Du coup, c'est sacré trompette. Moi je me dis au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il reste plus personne. Il continue à balancer et tout le monde est mort. Et là on relance un petit fléau, mais tout le monde est remort. Attendez. Non mais c'est vrai que c'est pas clair. Non mais c'est surtout au niveau de la temporalité. Tu sais pas si tout ça s'enchaîne en quelques jours ou mois. Alors on sait pas, mais pour, année, pour le septième saut, il y a écrit il ouvre le septième saut et une demi-heure après ça commence. Donc c'est le seul moment où il y a une temporalité, c'est une demi-heure après. Donc le mec, tu fais un petit repos quoi. Il prophétise la fin du monde à une demi-heure près quand même. Et ça c'est stylé. Il y a quand même des indications temporelles, mais qui demandent à être décryptées. Tout à fait. Oui, c'est genre en mois. J'en ai fait un épisode entier dans Analeps. Ah ouais. Ouais. Tu veux nous en parler ? J'en ai parlé. Bah, vous voulez... Maintenant là ? Vas-y. Mais en fait, il y a deux temporalités. Il y a une temporalité relative. Tu veux qu'on t'apprenne à dire le mot ou t'en parles ou... Relative et comment on dit Absolue. Absolue. Relative, c'est en fait. Ils calculent par rapport à la chute des différents empires. Donc il y a macédoniens, perses, égyptiens et romains, je crois, quelque chose comme ça. Et à partir de là, ils arrivent à en calculer la fin du monde. Et l'absolu, c'est que en fait, il y a Saint Pierre, je crois, qui dit pour Dieu, un jour égale 1000 ans. Natacha, Saint Pierre. Et... Putain. Un jour égale 1000 ans. Et donc, Saint-Pierre à partir de là, ils en ont déduit que comme le monde a été créé en 7 jours, le monde durera 7000 ans. Ah, et donc, comment ils ont fait un jour égale 1000 ans ? C'est Saint Pierre qui le dit, mais lui, il le dit de manière métaphorique, tu vois. Ouais. Il a dit ça comme ça, ouais, un jour. Ouais, voilà, ouais. Il aurait pu dire autre chose. Ouais. Et du coup, ils se disent, bah, la fin du monde, ça arrivera au bout de 7000 ans. Et après, avec divers calculs, ils arrivent à dater la période à laquelle ils se trouvent actuellement. Et donc, les premières estimations de la fin du monde, c'est en 350. Après 500, 650, 800 et l'an 1000. Ouais, c'est pas une source exacte, quoi. Non, c'est vrai, parce que... Le mec, ça fait 1500 ans qu'ils sont là, ouais, peut-être. Bah oui, parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, ils arrivent à la date prévue et puis il se passe rien. Donc ils disent, ah ouais, en fait, on s'est gouré, fallait calculer comme les ça. Les mecs, ils disent pas, il y a une couille dans le texte, tu vois. Ça fait 10 fois qu'il y a un internet. Ah non, c'est une couille dans le texte, tu crois que Dieu, il se trompe ? C'est ça que tu dis ? C'est simplement qu'on comprend pas. Non, là, on est en 2017 et quelqu'un a dit, ah, j'ai oublié une virgule, merde, oh non. On recommence tout, et voilà, c'est pour ça. Le septième tour, du coup, c'est les sept plaies. Alors, ce qu'on va toutes les faire, en gros, les rivières deviennent du sang, il y a des sauterelles, et d'ailleurs, la description des sauterelles, c'est ouf. C'est pas des sauterelles, genre des petites sauterelles, c'est des sauterelles qui ont des cheveux de femmes, qui ont des cuirasses, qui ont des queues de scorpion. Et qui ont des queues de scorpion qui te font souffrir pendant 5 mois. 5 mois. C'est et... la femme araignée à Châtelet. Ouais, donc un venin qui te fait souffrir pendant 5 mois et tu n'as pas le droit de mourir. Ouais. L'ange dit à Jean, les hommes imploreront la mort. Ils sont déjà morts 13 fois, mais là ils l'imploreront vraiment et on leur donnera pas. Oh putain, mais c'est. C'est chaud. Ouais. Et donc ouais, les sauterelles. Les cheveux de femme. Elles ont ça. Elles ont. C'est surtout ça qui me fait bugger. C'est ça qui me fait. J'ai du mal à imaginer pourquoi des cheveux d'homme. Non, c'est des cheveux de femme. D'accord. Okay. Voilà. Et des dents de lion. Des sauterelles avec des dents de lion. Okay. Ah, les sauterelles ont. C'est un peu stylé. OGMisable. Mais on dirait. Pour moi, je me dis mais c'est Lovecraft ou quoi. Même en plus dans l'Apocalypse, il y a aussi devant le trône de Dieu quatre êtres vivants qui sont une espèce d'aigle de lion avec rempli Dieu. Mais rempli Dieu. Partout, ils ont des yeux et des ailes. On sait pas, il y a des monstres hyper chelous. S'ils sont myopes, c'est chaud quoi. Je pense que clairement, comme tu dis, Jean, il était précurseur, je pense, sur beaucoup de romans qu'on lit maintenant dans l'horreur et compagnie. Mais il y a un côté hyper fantastique qu'on trouve. Qui a inspiré beaucoup de trucs, comme on en parlera après. Et encore, Jean, c'est celui qu'on a gardé. C'est-à-dire que c'est celui qui est pour l'église et le clergé. Ouais, parce qu'il y a aussi Zacharie et Isaïe qu'on parlait un peu de l'Apocalypse. Celui qui tient le plus debout, quoi. Voilà, ouais, c'est clair. Alors que Jean. Non, ça c'est logique, c'est bon. Qu'on le précise maintenant, l'auteur de l'Apocalypse, on n'est pas sûr que ce soit Jean qui l'ait écrit. On ne sait pas de quand ça date. On sait qu'il s'appelle Jean, mais on ne sait pas si c'est. C'est le vrai Jean qui a écrit l'évangile selon ça. Ouais, ça se trouve, c'est le mec, c'était un cordonnier. En gros, je pense qu'il y a plus de sécurité pour écrire un article Wikipédia que pour faire l'Apocalypse. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui l'a fait, mais on fait, oh, ça a l'air stylé, vas-y, mets-le. Frère, c'est ça. Et du coup, il y a toutes ces histoires de sept sceaux. Et la seule différence avec Zacharie et Isaïe, du coup, c'est dans l'Ancien Testament, il parle déjà un peu de la fin du monde. Mais dans celui aussi. De Jean, dans le livre de Daniel, il y a un ennemi en fait. Il y a la bête, il y a le dragon, ce qu'il n'y avait pas avant. Là, c'est encore plus stylé, il y a un méchant. Ça en jette. Parce qu'il y a un truc que je comprends pas, voilà, je pense qu'on y arrive peut-être à ça, c'est vous parlez pas de Satan. Et bah, Belzébuth. Et bah, il est là. Ah voilà, il est là. Il est là. Il y a plusieurs Satans. Enfin, il y a un dragon qui est Satan. Le Shétan. Qui lui-même donne du pouvoir à une bête à 7 têtes et 10 cornes. Ouais. Et après, il y a une autre. Qui vient de la mer. Qui vient de la mer. Oh, putain. Les migrants. T'as les mecs, c'est vrai que ça arrête. Non mais encore une fois là c'est lié à l'Empire romain qui est l'empire de la Méditerranée. Ouais. Donc c'est la bête qui vient de la mer. Et en plus ils ont pas eu de bol parce que quand l'Empire romain s'est délité, il s'est transformé en 10 royaumes à peu près. Et donc pour les chrétiens ils se sont dit oh putain c'est les 10 cornes et tout. Ah c'est génial. Ils ont bien fait, le sacré bordel. Ouais, oh. Putain. La religion c'est ça. Et donc c'est aussi tu disais Satan c'est plusieurs personnes, enfin plusieurs choses. Enfin il y a la bête, il y a Satan. Il a prévenu Jésus pendant la traversée du désert, il a dit mon nom est Légion. Je suis tout un tas de choses. Ouais. Mon nom est Légion, ça veut dire ça. Ça veut dire je représente pour tous les frères. C'est ça. On arrive, on est là. On va débarquer, on va pas être dit. Sans traite sous la merde quoi. C'est ça. D'ailleurs, il y a 113 cornes, je crois, dans une autre bête encore. Ouais. Du coup, ça, c'est les signes. Alors, est-ce qu'on... Bah, là, on est même plus dans les signes annonciateurs. Non, mais on est dans la bête. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a la bête. Il y a le mal. Le mal. Personnifié. Qui est libéré. Tout parce qu'en fait, c'est les tremblements de terre qui libèrent Satan. Il y a aussi la figure de la grande prostituée de Babylone, la mère de Stamon. Ouais. Ça n'a rien à voir. Mais... C'est son nom de scène au cabaret. Parce qu'Alexis, tu veux nous dire un peu qui est la grande prostituée de Babylone? Tu l'as connue, je crois. Tout à fait. C'est une fausse prophète aussi, en fait, qui est envoyée sur Terre pour un peu. Pour séduire les gens avec sa schneck. Ouais, bah non, mais en vrai. C'est bien dit. C'est ça, en fait. T'es un poète. C'est ça, en fait. Et par sa séduction, elle doit causer la perte de Babylone et des empires. Babylone. Ah ouais, donc en fait, ok. Donc la seule femme qui arrive dans le tas, c'est. C'est une pute. La meuf qui va foutre la bordel. Ah, c'est grave. De toute façon, Gary, c'était vraiment précurseur solide. Alors pour le coup, dans l'Apocalypse de Jean, il y a une autre femme qui va être la mère du fils, enfin de l'enfant mâle. Ah ouais, c'est trop compliqué. Qui en fait est le retour de Jésus. Parce qu'il y a un nouveau Messie. Wow, il y a un peu Sarah Connor dans l'Apocalypse. Il y a la mère du futur Messie. Voilà. Qui elle, on doit la sauver. Mais il y a aussi à côté. C'est une... pas vraiment le futur Messie, c'est Jésus qui revient. Ouais. Qui renaît. Il y a une renaissance de Jésus dans l'Apocalypse. Donc est-ce que cette femme aussi serait une vierge comme Marie et tout bordel ? C'est pas précisé. Ah. Par contre, on sait que au moment où elle accouche, c'est des questions qui ne se posent pas. Hein. C'est ça. Chacun croit son jardin secret. Qui es-tu pour lui demander des comptes, Manox? Je suis un simple judéo-chrétien. Qui veut le paradis, quoi. Et donc, oui, cette femme est sur le point d'enfanter l'enfant mâle, comme il est écrit. Et le dragon, qui est Satan, vient pour le manger. Ah, mais d'accord. Mais il est sauvé. Il est sauvé par un ange qui arrive. Par Michel. Tout le monde se base par Michel. C'est Michel. Mich. Bah, Michel ange. Ah oh voilà. Du coup, il y a dans tous les, on a dit dans tous les mythes, il y a des signes. Donc ça, enfin, tu sais pas vraiment ce qu'on peut en déduire de ça. Je trouve vraiment théâtral et étrange comme idée qu'il y ait autant de signes. Mais c'est du symbole. C'est que du symbole. C'est que de l'amour. Faut pas le lire de manière littérale. Donc il n'y aura pas de dragon. Il y aura pas de dragon. Il y a du symbole. Super. Aucun intérêt. Et surtout, faut pas oublier que l'intérêt, c'est de faire. Enfin, si tu reviens à un truc très terre à terre, l'intérêt, c'est de faire flipper les gens. Donc si tu dis une fois, genre, ça va être la fin du monde, attention, vous allez en chier. Ouais, bah ok, tu le mentionnes une fois, bon, ça va. Ouais, en passant. Mais là, si tu mets 40 signes annonciateurs qui te foutent bien les boules, après tu te dis, putain, tu vas souffrir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, sept fois, et après encore sept fois. Pendant cinq mois, là, avec des sauterelles. Tu te chies dessus, quoi, et tu te dis, ok, genre, c'est peut-être suivre les préceptes de Dieu. T'es en train de nous dire que ça fait partie de la politique de communication, quoi. Ouais, mais il y a un peu de ça. En fait, c'est précisé à plein d'endroits dans le texte que ça leur donne des occasions de se repentir aussi. Donc c'est pour ça, tu vois, genre. Le mec il va leur expliquer pendant 40 fois, bon là ça va être la merde si tu veux pas toujours pas venir, ok bah une petite sauterelle avec des cheveux dans ta gueule. Et du coup après il lui repose la question à chaque étape et c'est un peu ça quoi. Voilà. D'accord. Okay. Et donc on arrive à la destruction du monde. À une destruction totale du monde où là Dieu après avoir cassé un peu ses jouets décide qu'il va les supprimer. Il y a aussi un moment où on laisse l'antéchrist régner sur le monde. Ouais. Pendant qu'il est en train de se détruire, la bête arrive, elle gère tout, tout le monde adore la bête, les gens sont en mode super Satan, on te kiffe et tout. Il s'appelle le dégel en arabe. Oui, mais c'est pas, en fait, à mon avis, ce qu'il faut comprendre, c'est pas qu'ils adorent la bête, c'est qu'ils pensent adorer Dieu. Ah, oui, c'est qu'ils adorent un faux Dieu. Les gens se fourvoient et pensent adorer Dieu alors que c'était pas le cas. Un peu comme avec le Johnny Hallyday. De la bête sur le front ou sur la main droite. Le fameux 666. Ah ouais. D'accord. Est-ce que ça voudrait dire que les satanistes, enfin entre guillemets, sont des gens qui croient en fait à un faux Dieu en pensant qu'en fait c'est vraiment un dieu sauveur qui en réalité est un faux serf. D'accord. Selon la religion chrétienne, c'est vraiment de l'adoration, c'est une erreur en fait. C'est une erreur de jugement où tu adores pas la bonne personne. D'accord. Voilà. Donc tant pis pour toi, parce que tu seras cramé avec les autres, mais tu penses non, mais faire bien, mais tu fais pas bien. Mais et si, ça, si on peut lier un petit peu à la lecture politique, ça a été lié au culte, des empereurs. Au culte impérial romain qui se développait pas mal à cette époque-là. Il y avait beaucoup de temples dédiés à Auguste et à l'empereur en place. À l'empereur, de toute façon, Auguste a dit écoutez, bon, j'ai décidé un truc bien, vous me dites ce que vous en pensez. Je suis un dieu. Ah, ça vraiment passé comme ça ? Oui, oui. Parce que on a des tweets. Le film éponyme, la Bible, l'Apocalypse selon Saint Jean. Et ça commence comme ça, où le mec est là de façon caricaturale. Bon, bah, les gars, je suis Dieu. Et oui, bah, je vous disais, c'était grave mal joué, un peu exagéré. Mais ça, à Rome, sur un char, en latin, avec des gens qui dansent et quoi. Ouais, et des lions, un peu plus de gueule, quoi. Ouais, d'accord. C'est quand même une meilleure manière d'asseoir son pouvoir. Soit t'arrives, tu dis bon, je suis empereur. Déjà les gens ils se disent ok. Et si tu dis mais en plus je suis dieu. Ah bah là. Ça tombe bien. Heureusement que c'est pas l'autre qui est devenu empereur. Les Mayas faisaient ça en fait. C'était. Ouais, les Mayas c'était le monstre. Normalement leur sang ça devait être des flammes. Mais les pharaons. Ouais, voilà, les pharaons. Des divinités vivantes. Mais comment tu gères la fin de vie? Parce que j'imagine mal un mec qui est en train de toujours dire je suis dieu alors qu'il chie dessus et qu'il sait plus marcher. Tu vois, genre à 70 ans tu fais quoi? En même temps les gens mouraient assez jeunes quand même à l'époque. Ouais. Donc je sais pas s'ils arrivaient au stade où ils se chient dessus. Il y avait pas vraiment de fin de vie. Ouais, ils avaient trouvé dans les momies des pharaons, notamment, ils avaient décelé des handicaps physiques assez lourds chez certains d'entre eux, qui auraient pu être dus probablement à la consanguinité. Et oui, très probablement. Et donc probablement, ils étaient avec des mecs qui étaient là. Oui, ouais, c'est difficile de te vendre l'image divine si le mec a un pied beau et les dents du bonheur, quoi. Ouais, mais c'était plus facile aussi de la vendre comme ça, parce qu'ils peuvent dire regardez, il est particulier. Il est quand même pas comme nous. Regardez. On peut sûrement pas comprendre le plan divin de cette personne. Quel est l'agencement? Le vomi divin, le caca divin, regardez, ça y est, il est là. On doit être mal fait. Et non, mais il suffisait de dire que c'était des dieux piégés dans un corps d'homme, et puis voilà. Et puis faut pas oublier, Zaza, qu'à l'époque il y avait pas télévision, internet et tout. Ah. Donc les gens, 98% du peuple n'avait jamais vu le pharaon ou qui que ce soit, tu vois. Du coup, ils entendaient que des brides de trucs et ils savaient pas exactement comment. Oui, il paraît qu'il a dit qu'il était dieu. Il est en train de grailler son petit dobac et on lui dit bah maintenant pharaon c'est dieu. Ah ouais, ok, si. voilà, non mais c'est ça. C'est... Ouais, c'est. Donc, ça, du coup, c'est on une étape de la destruction du monde parce qu'il y a un moment où dans la destruction du monde, Satan s'impose comme faux idole, comme fausse idole. Voilà, des jeunes. Voilà, notamment le métal. Kev Adams. Et donc, on le laisse un peu régner, il règne, il fout le bordel. Je crois que dans l'islam, il règne 40 jours. Et après, du coup, Jésus va régner 40 années, mais c'est des années qui ont 26 mois, donc ça dure 80 ans en vrai. Ouais. Mais c'est le CDI en islam, c'est CDD plutôt, c'est pas le bon plan. C'est Jésus, il reste 1000 ans, lui, il reste 40 jours, c'est la douille. Mais c'est pareil dans la Bible, en gros, il y a une petite période où on laisse faire. Je pense que c'est pour, encore une fois, donner la chance aux gens de se repentir. On leur dit, adorer la bête ou ne pas adorer la bête. C'est toi qui décides. Mais à la fin, il faut bien décider. Ouais, c'est pour ça qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure. Mais ça, chez les catholiques, effectivement, il y a l'idée de tu vas à l'église et tu vas délivrer tes péchés, expier tes péchés. Chez les protestants, par exemple, c'est plus dur. Dans d'autres religions, j'imagine que c'est plus compliqué aussi. Ah oui. Est-ce que tu peux le faire dans d'autres religions? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est dans la merde? Précisément, le protestantisme est né de ça, où certains chrétiens ont dit ça suffit, parce que bon, il y a deux trois églises qui ont déconné avec ça, où ils affichaient carrément le prix pour expier tes péchés sur la porte de l'église. Ouais, c'était homme, c'est 40 balles. Les indulgences, ouais, fallait faire des chèques au pape pour être pardonné. Voilà. Ouais. Luther, il a dit, je pense c'est pas ça dans la Bible. J'ai bien relu, j'ai pas lu ça. C'est génial, je savais pas. Bah si. Ouais, il y a des problèmes. Même à la fin, ça faisait des allopas, t'envoyais un SMS et c'était bon. Ouais. Par PayPal. Adultère. Peut-être ça marche comme ça. Ouais. Ah putain. Dans la destruction du monde, du coup, c'est une sorte de premier jugement, la destruction du monde, où avant qu'on te juge selon ce que t'as fait dans ta vie, on te juge selon ce que tu vas faire là pendant la fin du monde en fait. Et ça, c'est encore plus frappant avec Ragnarok, où en gros les gens ils se battent. Et c'est la guerre, du coup tu te bats pendant très longtemps, la civilisation se délite, et du coup c'est ceux qui ont survécu à la bataille qui vont être là pour la vraie fin du monde. Bah, comme dans la Bible. Hein. Bah, la Bible, c'est pas que tu te bats pas, mais tu dois esquiver les dragons. Il y a une grande bataille à la fin. L'Armageddon, en fait, c'est ça. C'est le nom. Enfin, étymologiquement. C'est un endroit. C'est le Tel Megiddo, c'est le mont Megiddo qui se trouve en Israël. Ouais. C'est une montagne. C'est en fait. Pas en Palestine. Alors, donc, l'Armageddon. Ça dépend selon Trump. Allez, l'Armageddon. L'Armageddon, c'est la bataille finale en fait entre les forces du mal et les forces la du bien. La bataille finale du bien. C'est Charm contre le mal. Ouais, ou la bataille des cinq armées dans. Ouais, dans c'est un peu ça quoi. C'est pas dans Bilbo ça. Ouais, je sais pas. Enfin, bref, ils se foutent sur la gueule. Et je crois que c'est les méchants qui gagnent, non, c'est ça? Et c'est après ça que s'instaure la période de... C'est Jésus qui bute le... Attends, c'est Jésus qui gagne à la fin. Ah bon? Jésus, il bute l'Antéchrist. Oui, il le renvoie dans son étang enflammé de l'enfer. Voilà. Et après, il envoie tous les méchants dans l'étang de feu. Voilà. Et en fait, c'est une vraie bataille. C'est qui a lieu au mont Megiddo entre l'armée égyptienne et l'armée... genre combat MMA, quoi. Ouais, c'est ça. Rien n'est quelque chose. Mais dans... alors, dans le Ragnarok, il y a aussi des bastons, mais entre dieux, pas vraiment entre armées, ni entre... C'est plus les dieux qui vont combattre Loki, donc c'est en gros le Judas nordique. Il se libère, il emmène les géants et tous les gens des enfers vers Asgard pour aller détruire les dieux. Donc, ils se battent entre dieux. Tous les dieux s'entretuent dans leur duel, c'est une sorte de duel MMA là pour le coup. Ouais. C'est Thor contre. Ouais, mais avec un peu de gueule quoi. Thor parce que contre c'est des dieux. Thor contre un loup, Odin contre un géant enflammé, mais ils se tuent tous. Mais il y a à la fin le fils de Odin, et là c'est la meilleure anecdote, il arrive avec une chaussure magique faite de tous les restes de chaussures qui ont été jetés depuis la nuit des temps. Oh putain. Et c'est une chaussure indestructible, hyper géante. Oh merde. Qui permet de tuer le coup de pied au cul quoi. Qui permet de mettre un gros coup de pied au cul au dernier ennemi et de finir la partie comme ça avec les gentils qui gagnent grâce. C'est une grosse godasse. Au cordonnier céleste quoi, je ne sais pas. Au cordonnier céleste. C'est comme ça, grosse Air Force. Bam. Meilleur concept. Je pense que ça devient l'expression un coup de pied au cul, pas simplement, parce que mais c'est le plus gros des coups de pied au cul qui a jamais été fait. Comme la chaussure faite de tous les restes de chaussures depuis la nuit des temps, c'est quand même stylé. Ah, ouais, c'est... Putain, ça commence à faire une grosse chaussure avec. Ah bah c'est. Mais c'était des gros pieds à l'époque. Mec, ils avaient beaucoup de lacets aussi, hein, donc ça. Mec, il s'est fait chier avant quoi. J'espère qu'il y avait des scratchs parce que. Et du coup, ça c'est la. Je sais pas quoi dire sur la destruction du monde parce qu'en gros, c'est la partie un peu folklorique, un peu stylée, un peu spectaculaire. Mais c'est surtout que la destruction dure très longtemps et on détruit. Et il y a beaucoup d'étapes. On détruit tout, on reconstruit pour pouvoir repéter derrière. Et à la on dirait un film de Michael Bay. C'est ça. Et d'ailleurs, à la fin dans l'Apocalypse de Jean, on se demande un petit peu pourquoi il a fait ça parce que Dieu, au bout d'un moment, il décide bon, bah allez, le ciel, on l'enlève, la terre, on l'enlève aussi. Maintenant qu'on a bien tout cassé, on les détruit. Il pourrait tout faire d'un coup, mais il a l'air d'un peu Valérie D'Amido du monde. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait de la souffrance pour précisément ce que tu disais, permettre aux gens de se racheter. Mais il faut que ça pète un peu, c'est la fin. Se racheter ou les gens qui croient pas vraiment d'abandonner en fait. Oui, voilà. C'est aussi ça. Ouais. Mmh. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu un test quoi. C'est un peu Koh-Lanta. Mais c'est un peu Koh-Lanta. On va voir ça après. Je pense que c'est le moment que beaucoup de gens ont retenu en fait, que de l'Apocalypse, c'est le côté destruction spectaculaire. Ouais. Alors, c'était pas le côté c'est le plus spectaculaire. Parce qu'en effet, à partir dans l'Apocalypse de Jean, à partir du chapitre 20, arrive le jugement en tant que tel. Et là, ça devient plus compliqué. C'est pas tu dois esquiver les sauterelles et les dragons. Non, là c'est bon, on te convoque devant Dieu. De toute façon, tu peux pas t'en aller parce que la terre a disparu. Il reste conseil de classe. Aussi. Bim. C'est conseil de discipline même, plutôt. Là c'est la balance, là. C'est la balance. C'est la balance. Et la pouka. Dieu est sur son grand trône blanc. Ouais. Il y a l'agneau à côté de lui. L'agneau, c'est Jésus. Et on amène le livre de vie. Vieux, et le livre, en gros, le livre de ce que tu as fait dans ta vie et de ce que tu as pensé. Est-ce qu'il y a ton historique internet? Merde. C'est ça. Attends, la merde là. C'est pour ça qu'on dit un livre. À l'époque, ils n'ont pas dû comprendre, tu vois, le livre de la vie. Aujourd'hui, on t'emmène ton historique Google et on le confronte avec le livre du bien et du mal. C'est le CSA. C'est quoi ça, Zotube 365? Ah, tu connais bien. C'est pas une adresse que t'as sortie au hasard, ça. Non. Et du coup là on regarde si tu vas au paradis ou en enfer. Allah il arrive avec une balance, il met les choses, il regarde, il met son doigt pour t'aider si tu veux vraiment te repentir. Donc Allah il est plus sympa que Yahvé, je pense. Ah. Quand même, il faut le dire maintenant. Pourquoi? Ah ouais, t'es pas très Yahvé, gratien en fait toi. Yahvé il arrive, il se dit on regarde, droit, c'est les faits. C'est les faits, c'est ça ou comme ça. Allah si tu dis je suis désolé, il fait ok, vas-y c'est bon. Je comprends. Moi aussi, je suis allé sur Zootube. Mais attends, mais il y a une fatwa dans la gueule. C'est clair. C'est une fatwa. Mais il y a aussi le purgatoire, non? Ça n'existe pas, le purgatoire. Parce qu'en fait, il y a deux jugements. En tout cas, chez les chrétiens. Il y a deux jugements. T'as le jugement un peu personnel, genre tu meurs, Tu vas à Saint-Pierre, il dit oh, ouais, ok, là. Oui, tu là, c'est le jugement dernier. Voilà. D'accord. C'est la fin. Là, on déconne plus. Parce qu'en plus, et surtout, faut rajouter que le purgatoire, c'est pas du tout dans les textes. C'est ajouté bien plus tard. C'est une invention pour se faire de la thune et pour surtout répondre à la question de bah attendez, parce que faut bien penser que la c'est Bible. C'est un mec qui a dit moi je suis Hervé, j'ai rien fait. Non, mais faut bien penser que la Bible s'est écrite quelques années après la mort de Jésus. Donc les chrétiens pensent que la fin du monde, etc., c'est dans genre 5 ans quoi. Ouais. Sauf que 1000 ans plus tard, merde, ça fait quand même 1000 ans qu'on attend, qu'est-ce qui se passe quoi. Et donc du coup, faut créer un entre-deux qui va permettre aux gens d'attendre. Et puis aussi pour des problèmes qui ne s'étaient pas posés, du type les enfants qui meurent avant d'être baptisés, est-ce qu'on les envoie en enfer? Ah oui, question. Alors normalement, on les envoie en enfer parce qu'ils ont quand même le péché d'Adam inscrit en eux. Tant pis pour eux, c'est le sien. Ah, c'est comme salaud ça. Ah, c'est salaud. Mais bon, t'avais qu'à avoir une meilleure origine, j'ai envie de dire. D'accord. Et chrétien, merde. On a vraiment des sponsors par Radio Courtoisie, c'est vraiment très très chaud. Et donc, du coup, non, mais pour répondre à ça, on a fait le purgatoire parce qu'ils peuvent pas aller au paradis vu qu'ils sont pas baptisés. Mais on s'est dit quand même, on va pas envoyer des nouveau-nés en enfer. Ouais. Donc on les envoie au purgatoire, une sorte de sas de. C'est la seule, c'est un peu une garderie. Voilà. Et là ils peuvent dire ok c'est bon j'aimerais bien être baptisé, est-ce que c'est possible? Mais ils attendent le jugement dernier. Ouais, parce que la salle d'attente de... parce que d'accord ça aurait... ouais, parce qu'aujourd'hui enfin depuis comme tu dis depuis 1000 ans il y a il faut qu'on aime bien convertir quand même des gens qui n'étaient pas du tout baptisés. C'est clair. Ouais. Donc ces gens-là en fait c'est bon quand même. Oui c'est ouais. Oui c'est bon. Ah oui. D'accord ça, donc bon. Mais ça n'a rien à voir avec le texte original. Non. Donc en fait c'est une sorte de fraude. Non, c'est qu'il faut bien actualiser la lecture. Voilà, actualiser, et quoi. Surtout, ça et surtout, avec des guillemets, parce que... et bon, surtout, ça, tous les textes religieux sont des symboles. Donc, tu peux pas interpréter de manière littérale et faire... Il y a un type qui avait écrit un bouquin, d'ailleurs, qui, je sais plus comment il s'appelle, mais ça s'appelle « L'année où j'ai vécu selon la Bible ». Il a lu la Bible et il a noté tout ce qu'il devait faire et tout ce qu'il devait pas faire. Oh putain. Et il l'a fait pendant un an. Ils écrasent les couilles des, hein des homosexuels avec des meules. Ah ouais, c'est wow. Toi, tu regardes des trucs bizarres. Hein, tu vas trop sur le dark web. Ta version de la Bible, c'est pas l'officielle, je crois. Non, ouais. Non, donc il a, c'est il la, a vécu. Ça, c'est la Bible selon un ancien oral, je crois. C'est sur mon site, hein, je l'ai écrit, c'est 40 euros. C'est pas grave. Renseignez-vous. Hein. Ah. Écrasage de couilles avec des meules. C'est parti. Donc, le mec qui a vécu pendant un an selon la Bible, il a fini par dire que c'était techniquement impossible puisqu'il y a des commandements contradictoires et que en fait tous ces trucs là ça s'interprète, il n'y a pas de vision littérale possible des textes religieux, donc ça doit s'interpréter. Heureusement vu le bordel qui est le texte de l'Apocalypse que c'est pas littéral. Oui, tout ce qu'on a raconté tout à l'heure c'est sûrement un peu fouillis, mais c'est pas notre faute, pour une fois c'est vraiment le texte qui est fouillis lui-même. Du coup si on devait tout prendre pied de la lettre ça serait très compliqué, je pense. C'était une émission parfaite pour la FK quoi. C'est ça exactement. Et donc il y a jugement. Et ensuite renouveau. Alors renouveau, ça c'est la partie stylé. Si t'es un bon, si t'as cru en Dieu jusqu'au bout, t'as dit moi Dieu Jésus, j'ai toujours su c'est un frère. Moi jamais je dirais. Ouais, j'ai 100 vues sur YouTube, j'étais déjà la frère. Et depuis le début, on me dit Jésus, je non t'inquiète. Et moi je le connais. Hey. Et là, it rules, motherfucker. Il y a la nouvelle Jérusalem. C'est une ville qui descend du ciel. Bah carrément, c'est. Putain. Et tu vois dans la Bible, on te dit ouais, faut pas être trop riche. Les c'est riches, c'est pas super. Star Wars, ouais, c'est les mais méchants. Nouvelle Jérusalem, elle est en or. Il y a 12 murs de pierres précieuses. Putain. Il y aura que les gentils. Dieu, il va vivre dans la ville. C'est avec toi. Sur scène, quoi. Dieu, ça sera le maire. C'est Neuilly sur scène. C'est Balkany. Dieu, il va vivre avec toi dans la ville. Il sera ton pote et il y aura plus de larmes, il y aura plus de faim. Ah, il y aura que génial. Ça. C'est on super. Dirait une chanson des enfoirés. Et Jésus. Donc en fait, on te dit de vivre dans un peu dans vraiment chichement, modestement pour mais ensuite. Mais oui, à la fin, par contre, il y a du blé et tout. Voilà, il y a la récompense. C'est quand même bizarre, mais c'est pareil dans l'islam, ils disent de pas boire et après, t'inquiète quand tu seras au paradis, gros. Tu vas te mettre cher, ma gueule. Grave bien. On se rostisse. Oui, mais parce que c'est pour ça. Duc. Il faut qu'il y ait épreuve. Et la vie sur Terre est une épreuve. Voilà, c'est ça. Et l'humanité, en fait, l'Apocalypse, c'est rien, raconte le fait que l'humanité a été en test. Tu vois, Koh-Lanta, l'épreuve des poteaux, c'est dur. Mais à la fin, tu vois ta famille, tu manges du riz. Exactement. C'est pareil. C'est pareil. Mais ouais, c'est. On arrête du coup au renouveau. Alors, c'est là, on peut parler de la. Et si, il faut quand même préciser que Jésus épouse Jérusalem. Ah oui, ouais, bah ça c'est le mariage pour tous à la fin, c'est par épouser des villes. Ils se marient avec Jérusalem. Vous êtes ici pour célébrer l'union entre Stavro et Montargis. Faut une grande église hein, quand même pour accueillir tout le monde. Hein, parce que... Est-ce que du coup le mariage avec la ville se fait dans la ville? Parce que tu peux pas te marier dedans, t'as marié. Est-ce que c'est bizarre? C'est bizarre. Comment il fait pour consommer le mariage? Ah bah il prend toutes les petites allées. Ah bah, t'inquiète. Il trouve une serrure. La rue Pasteur, je sais, c'est après, t'inquiète. T'inquiète. Elle est bonne, la rue Pasteur. Il y a un taux de blasphème dans cette émission qui est scandaleux. C'est blasphème ici. C'est le renouveau. Alors intéressant ici Ragnarok, le côté nordique, c'est il y a pas de jugement. le jugement, tu l'as fait si tu as survécu jusque-là. Et à la fin, surtout, il n'y a pas de renouveau que pour les fidèles. C'est on refait la terre en entier. Mais il reste un couple. Ouais, enfin, en fait, il y a pas mal de dieux qui sont morts. La terre, elle sombre dans l'eau. Parce qu'il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus rien. Et du coup, en fait, le mythe de création du monde nordique, il commence dans l'eau. Du coup, en fait, après, elle revient. Et c'est beau, tout beau, tout neuf. C'est un peu comme là, une assiette sale que tu as lavée, elle revient, elle est belle. Là, c'est pareil avec la terre, elle revient, elle est stylée. Et tout le monde se repeuple. Et il y a même des nouveaux dieux parce que les anciens sont morts. Et du coup, on recommence à zéro. Ah, c'est génial. Et là, c'est pas que pour les croyants, c'est pour tout le monde. Alors que Jésus, lui. Bah, c'est pour tout le monde, sauf que tout le monde est mort. Donc, il y a un couple qui a survécu. On va leur dire, niquer un peu parce qu'il faut repeupler tout ça. Mais c'est pas que les fidèles, quoi. C'est ça le truc. Et ça, je trouve ça un peu plus optimiste. On va recommencer comme avant, voilà, on se relance. Et voilà. Alors que les. Mais là, on est sur parce l'épuration ethnique, quoi, en gros, c'est ça. Alors, non, mais pas ethnique, sur juste l'épuration, ça suffisait à ta phrase. Après, la peine de ethnique un peu partout. C'est mon ticket. Là, on est sur une vision plutôt cyclique du coup, du temps où il y a un nouveau cycle qui commence. Et non pas c'est la fin des temps et tout va bien. Voilà. D'accord. Ça, c'est. On vous a essayé de vous dégraisser. Le gros bordel qu'est sont les mythes apocalyptiques. Vous avez la petite base. Maintenant, à partir de ça, il y a eu beaucoup d'interprétations différentes. Dans la pop culture. Non, juste avant même de faire des films. Mais dans la pop culture aussi. Il y a eu pas mal de choses qui ont découlé de ça. Notamment, comme tu l'as dit, des interprétations politiques. Parce que, faut pas oublier que ce texte, c'est un truc littéraire qui a été écrit, qui a été communiqué à l'époque pour une communauté de chrétiens opprimés. Et du coup, c'est un mode. C'est un peu la chanson Allez les Verts pour Saint-Etienne, l'Apocalypse. D'accord, merci qui pour cette. Qui c'est les plus forts? Allez, c'est les Verts, on va gagner, on a le meilleur supporter. Là, c'est qui c'est les plus forts? C'est Jésus. Ouais, c'est à Jésus. À la fin, on va gagner. Parce que c'est. Ouais, ça va être dur. Ouais, on va souffrir, mais à la fin, on sera là. On aura réussi. Là. C'est un peu une sorte de narration qui rassure une communauté précise et qui a un but politique de liant, en fait. Ça, et aussi de critique, comme tu l'as dit, de l'Empire romain, la bête à sept têtes. C'était assez. C'est hyper ancré dans un contexte historique. C'est ça, et ça, on a tendance à l'oublier parce que c'était il y a 2000 ans. Pas quand on lit ce putain de texte parce qu'il passe quand même les 100 premières pages à dire oui, alors j'écris une lettre à l'évêque de ma. On n'a pas dit le prologue de l'Apocalypse, c'est une lettre à cette église pour dire vous êtes sympa, mais pas trop attention au niveau pèlerinage. C'est pas assez. Ah oui, d'accord. Une lettre un peu de prévention, on va dire. C'est ça. Oui. Enfin, il fait un peu la newsletter du catholicisme. Il fait un peu du tweet clash. Et après, voilà, il envoie les lettres. Il dit essayez quand même de vous réformer un petit peu parce que le dragon arrive. Attention. Ouais. Il le dit, je vous raconte ce qui arrive bientôt. Donc bientôt, c'est vague. On dit c'est bientôt, t'es prêt, mais tu sais pas quand. C'est bientôt. 2000 ans plus tard, bon. t'as déconné. Et l'interprétation, il y a eu du coup l'interprétation politique et aussi l'interprétation millénariste. Parce que Jésus, quand il arrive sur Terre, c'est le règne qui arrive. Oh. C'est 1000 ans de bonheur. Parce qu'au bout de 1000 ans, Satan, qu'on a ajouté dans les temps, il va revenir. Ah ouais. Ça, c'est mal fait. Dieu, il peut pas non plus tout gérer. Il est au four et au moulin. Bon, 1000 ans, c'est déjà pas mal quand même. Donc millénariste, ça implique que. Il y en a qui ont cru que le millénaire de règne de Jésus avait déjà eu lieu. Ils sont rares, mais ils existent. Entre 300 et 1300, c'était le moment où l'église était la plus forte. C'était le Moyen-Âge où il pouvait tout le monde. Je connais des gens comme ça. Où ils se sont dit, les 1000 ans, c'était à ce moment-là, c'était super, donc c'est fini. Merci à tous. Au revoir. C'est pas Thomas d'Aquin qui dit ça? Comment? C'est pas Thomas d'Aquin qui dit ça? Peut-être. Thomas d'Aquin fait partie de ces trucs-là, et du coup, maintenant, ceux qui récupèrent Thomas d'Aquin, parmi lesquels des gens de l'Action française. Affirme qu'en effet, le monde s'est arrêté en 1300. En 1300. Soit on est très arrivé à rock'n'roll, j'ai l'impression. En 1300, sympa. Le monde s'est arrêté et depuis, c'est n'importe quoi. Ouais. Ils vont t'expliquer que la civilisation moderne, depuis que Saint-Thomas. Et en même temps, ils utilisent Internet, ces enfoirés. Oui, pour dire que c'est nul. Donc tout va bien. Mais il y a même des gens dans ces trucs-là qui pensent que le Vatican est occupé par Satan aujourd'hui. Ah. Le faux prophète, l'agneau. Hein, voilà. Des sortes de rebelles du christianisme, en fait. Oui, alors, ils ont beaucoup de mal avec ça parce qu'ils ont envie de rester catholiques, de croire en Pâques, mais pas celui-là. D'accord. Surtout avec le nouveau là, avec François, ils sont beaucoup dans la merde. Ils sont en train de se dire le pape il interprète mal. C'est lui qui interprète, mais il fait pas ça bien. D'accord. Ouais. C'est la petite église, non? C'est pas ça? Non, tu parles des. C'est des vacantistes. Loin. Millénaristes, du coup, les 1000 ans, il y en a qui pensent que c'est déjà arrivé. La plupart des religions pensent que c'est pas encore arrivé, ce qui est plutôt logique parce qu'il n'y a pas encore eu la fin des temps. Mais il y a les meilleurs, c'est les témoins de Jéhovah. Ils ont dit, ça a commencé en 1914, le millénaire de règne de Jésus. Mais c'est invisible. C'est là, Jésus il est là sur Terre. Comment ils ont choisi la date? Mais il est mort en 14 à la première. Non, c'est le millénaire a commencé, on est dedans, c'est super, mais on le voit pas. Et on sait pas qu'il est là, mais c'est maintenant. Donc profitez. Est-ce qu'ils ont déjà lu un livre d'histoire ce jour-là? Ouais, c'est clair. Ça, c'est super, commencer une période de joie et de face, je n'aurais pas commencé en 1914. Ah, ça, c'est... J'attendrai quelques années. Imagine le mec, c'est. Hey, les gars, venez, on dit ça commence maintenant. Et le lendemain, premier grand il fait: oh non, attendez, j'ai tout préparé, j'ai fait des banderoles. On avait dit c'était Milan. Oh merde, je me suis rasé la tête et tout. Faut chier, les mecs, là. J'ai foutu une putain de toge. Je suis en train de taper aux portes, là. Ouh, c'est nous, c'est là. Non, on commence maintenant. Le calendrier, il faut respecter, les gars. On a un business plan, putain. Non, si on commence maintenant, on commencera jamais. Donc on commence maintenant, c'est trop tard. Ça, ça se comprend. Donc ça, donc l'interprétation politique, l'interprétation narratologique, en gros, pour une communauté, et l'interprétation millénariste, genre le règne va arriver, ou est déjà passé, ou est en train de se faire, c'est grosso modo la base de l'interprétation apocalyptique qu'on peut faire. Maintenant, on va voir, c'est peut-être le côté qui nous touche plus, qui est moins bordélique, parce que c'est des films qu'on va voir tous les jours au cinéma. Qu'est-ce qu'on en a retenu de ces modèles narratifs de l'apocalypse? Comment le mythe de l'apocalypse est traduit aujourd'hui? Des films, des histoires, des... Mais tout, quoi. Avant de faire ça, on va faire, bien sûr, il nous rassemble ici la carte de l'amour, l'humour, le plaisir. Le quiz. Le quiz. Monsieur. Ouais, quoi? Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux? Je vais vous poser une question, si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Top, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35, je pose des questions à des champions, je suis... Tu es Julien Lepers? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Bien. On se retrouve donc pour le moment que tout le monde attendait, hein, un peu comme quand la Nouvelle Jérusalem tombe des cieux. Là, c'est le quiz de Steven qui tombe du ciel pour nous faire plaisir. Exactement. Alors Steven, qu'est-ce que c'est ton quiz? Alors c'est un quiz. Ouais. D'accord. Ah, okay. Bah c'est bon, alors on commence. J'ai pas réfléchi à la manière de procéder. Je pense que ça va être le premier qui gueule. Gueule. Il y a des équipes. Bah, est-ce qu'on fait des équipes? On est 4, on peut faire 2 contre 2. On peut faire 2 contre 2. Moi je suis chaud pour un 2 contre 2. Allez. Et c'est avec Alexis. Ah non, foiré. Ok. Pour les quiz, c'est bien d'être avec Stavro. Hein. Ouais, c'est vrai. Stavro et Manox. Ok, Stavro. Nous, on est les prostituées de Babylone. Ouais, voilà, exactement. Prostitutes of Babylon. Quelqu'un note les points? Ouais, vas-y. Allez. C'est Zaza qui compte les points, donc bon. Ouais, ça, non, ouais. Vous avez perdu les prostituées de Babylone. Et vous, c'est quoi votre nom? Les judéo-chrétiens. Du coup, c'est bof. Les judao-chrétiens. Ah, ah. Ok. Oh, alors, les danao-chrétiens, pardon. Alors, le quiz va se dérouler en 3 étapes. Oui. Enfin, 2 étapes plus un super banco. Ok. Okay. Non, mais le super banco, c'est toujours l'arnaque. C'est toujours l'endroit où je perds. Mais c'est pour ça que j'aime pas ça. C'est pour ça qu'on aime. Et voilà, c'est plus ou moins lié à l'apocalypse. En vrai, c'est moi le roi du raconte. Plus ou moins. Ah oui, plus ou moins, oui. Ok. Alors, la première partie du quiz, pareil, donc chaque équipe gueule dès qu'il l'a trouvé. Et bah, du coup, on va dire une équipe gueule un truc, c'est à l'autre équipe de répondre. Ah bon? On gueule. On gueule pas, on continue. Voilà, on gueule pas, on continue jusqu'à ce qu'on trouve la bonne réponse. Ok. D'accord. Voilà. Okay. Alors, pour cette première partie. Une réponse chacun son tour, quoi. Voilà, en gros. À partir du premier qui a gueulé. À partir du premier qui a gueulé. Vous avez rendu ça beaucoup trop compliqué. C'est clair. Du coup, je vais essayer d'y aller par étapes. Il faut trouver des noms de personnes. D'accord. Je suis parti du principe que l'apocalypse de Jean, on ne sait pas quel Jean a écrit l'apocalypse. Ouais. Okay. Donc, il va falloir trouver des gens qui sont des gens. Ok. D'accord. Ok. C'est compliqué. Du coup, c'est toujours un Jean, quelque chose. C'est toujours un Jean, quelque chose. Ou en tout cas, la réponse contient Jean parfois. Ok. Voilà. Jean-Lin. Ça va être bien. Jean-Tibéry, tout ça, quoi. Oui. Ah bah j'aurais pu y penser. Ouais, okay. Moi aussi, je pense à lui en premier, moi. Donc je vais donner les, je vais essayer d'y aller progressivement. Est-ce que ça peut être des noms composés? Ah, ça peut Jean-Pierre, être tout un tas de choses, hein. Ça peut être même des trucs où je vais me faire engueuler. D'accord. Alors première question, je suis né le 15 juin 1943. Jean-Pierre Foucault. Jean-Jacques Goldman. D'un Jean d'Ormesson. Père belge et d'une mère française. Jean-Philippe Smet. Ouais. Oh voilà, un point pour on l'équipe. On n'oubliera jamais. Toujours là dans nos Babylone. Un point pour les Babylone. Babylone brûle, Babylone brûle. Deuxième question. Je suis né en 1930 et mort le 9 octobre 2017. Je suis éleveur de chiens. Quelqu'un l'a dit. Quelqu'un l'a dit dans le public. Ok, c'est un point pour nous du coup. Un point pour le public. Parce un que c'était à nous de parler. Un point pour le public. On n'avait déjà parlé. On n'avait pas parlé du tout. Tu mens. Non. Si, il fait les points. Il n'y a pas de points. Il n'y a pas de points. Alors, il n'y a pas de points. Il n'y a pas de points. 1-1. Il y a 1-0, je vais noter les points. Tadam. On a une superbe hôtesse qui... Merci beaucoup. Qui a nous sustenté, c'est magnifique. Merci. Alors. Magnifique. Merci. Merci. Troisième question. Vas-y, vas-y, prends-le. Okay. Ah, super. Merci beaucoup. Merci. Troisième question, je me suis basé sur des citations de la personne qui font une petite biographie. Tu ne regardes pas, Alexis. Donc, j'ai connu les ours, les loups et les cavernes. Oh ah, attends, merde, comme ça. Et ma mère a mis 8 jours à me mettre au monde. Raon. Ah, ah, putain, j'en Francis, là, le candidat à l'élection présidentielle. Jean Lassalle. Ils l'ont dit avant. Allez, boum. Je décide pas entre Jean Lassalle parce que je l'aime donc beaucoup. Donc un point pour c'est les citations de Jean Lassalle. Ça fait 2-1 pour pardon vous. C'est quoi les autres citations de Jean Lassalle? Les autres citations? Ouais, t'as pas mis d'autres citations. Pour le moment, j'avais mis que ça. Ok. Je me suis dit, ils vont trouver à ours. Ouais. À ours. Direct. Alors, on va monter un peu le niveau dans la culture. Bah, attends, Jean Lassalle. Quitte à le rebaisser un petit peu après. Je pense qu'une personne peut trouver ici. Ah, c'est moi. Une. Je suis un grand mouvement politico-religieux qui a pris place à Port-Royal. Et jansénisme. Ah putain, l'enculé. Oh là là. Je l'avais. C'est ça, les mecs. Toi, t'as pas dit jansène. Big brain. J'ai vécu parce que à Port-Royal. Jansène, c'est pas dit. D'accord. Donc on va baisser un peu le niveau maintenant. Ah. Question 5. Oh oui, on va le baisser carrément, j'ai oublié. De couleur bleue, je suis le fruit de la collaboration entre Lévi-Strauss et Jacob Davis. Les jeans Lévis. Les jeans, tout simplement. Les jeans, oui. Les jeans. Oh la vache. Ouais, allez, tu l'as. Mais t'as dit Lévi-Strauss. Jean-Tonic. Oui. Claude. Non, pas Claude. Ah, et moi, je pensais à Claude Lévi-Strauss, mais il a fait quoi, Claude Lévi-Strauss? Il a fait des jeans et tout. Alors, Claude Lévi-Strauss, c'est un très grand anthropologue qui n'a pas fait de jeans. Il okay, a fait de l'anthropologie. Il n'est pas si grand que ça, du coup. Il le mec pu... n'est pas. Il n'est pas pantalonnier. C'est pas Azedine Alaïa. Il est anthropologue. Pantalonnier. C'est une pantalonnade qui se passe à son ici. Alors, quel genre est l'auteur de cette citation? Toute mort est un mystère parce que toute vie est Jean un mystère. Jean d'Ormesson. Bien joué. Oh là, ah, bravo, magnifique. Je me suis dit, je comprends pas, c'est de Jean d'Ormesson. Ça fait 2-2. Oui, ça fait 20 ans qu'il est mort quand, si on l'écoute parler parce que c'est quand même. Je suis immortel. Non. Comme... spectateur. Comme le disait Finkielkraut dans la FK26, Jean dort, mais son avis nous intéresse quand même. C'est beau. Alors, septième question. Je suis un personnage de fiction anglais. Et contre toute attente, je suis plutôt grand. Je suis hors la loi, mais on peut me considérer Jean comme Jean. Petit Jean. Petit Jean, bien joué. Oh là Jean là. Valjean. Non. Eh non, parce que Jean Valjean, il est pas anglais. C'est vrai. Il est pas anglais. Ouais. Petit Jean, français, monsieur. Petit Jean, donc le copain de Robin des Bois, qui a une coupe au bol. Voilà, qui est bon, exactement. Vous êtes, qui a une grosse masse. Bon. Moi, je me. Il y a 3-3. Je m'identifiais à Petit Jean quand j'étais plus jeune. Parce qu'on dit, bah, il est comme moi. Coupe au bol, un peu gros, un peu maladroit. Je peux être Petit Jean. Alors, huitième question. Personnage de fiction français. Je suis un personnage très célèbre. Pour les personnes qui ont un minimum de culture. J'ai ma place dans ce quiz car je suis doublement Jean. Jean Valjean. Jean Valjean. Ouais, bien joué. Attends, j'avais juste une question d'avance, moi je suis dans le turf. On n'est pas me suivre les gars. Attends, le mec il a un nom, il a réussi à le sortir quoi. Il est jaloux, c'est tout. Il y a 4-3, tu vas faire quoi? Non, il y a 4-3. Après vérification, je pense qu'il y a plus 4-3 pour nous. Non, 4-3 pour nous. Non, je pense que c'est... Non, il y a 3-3. Ah non, pour nous. Ah oui, non, c'est... Il y a 3-3 et j'ai rajouté le point qui compte du public. Mais il y a 3-3. Donc il y a 3-3. OK. Dernière question de cette partie qui est la plus scandaleuse et de loin. Arrivant au début de chaque nouveau cycle, je succède à la fin et j'arrive après la naissance du Christ. Vous me célébrez tous Jean les ans. Jean Christ. Non. J'en parle les couilles. Vous me célébrez tous de la pire manière qui soit. Le nouvel Jean. Ah, oh, joli, c'était non, beau, mais ça. On était pas loin. Ah, janvier. Allez, à deux. Ça, c'est du travail d'équipe. T'aurais pu aussi dire, je fais partie d'un vieux film en noir et blanc avec Bourville. Arrêtez-le. Il improvise un quiz. Attends, mais non, c'est quand dans la traversée de Paris quand il dit Jean Gabin. Jean, c'est ça. Ah oui, tu vois. Ouais, je vois. Ah, mais il est poli quand même. Nous, si on voit rien pas. Mais moi je pense que ah je... oui. Mais si quand même la traversée de Paris. Mais Jean Técris, je pense qu'on aurait pu compter aussi hein. Non, Jean Técris, non. Bah c'est pas grave. Deuxième partie du quiz. Et attends, on fait le point. Vas-y, du coup, fais le il y a un joli 4-3. Ah non. Si. Là on a égalité. Si. Non, là on a égalité. Il y avait 3-3 et maintenant il y a 4-3. Non. On menait 4 ou 5-3, je sais plus. Quoi? Et là... Mais non, j'ai vraiment pas triché sur le coup. Si j'avais triché, on serait à 5-3. Là on est à 4-3. Non, je crois. Oui. Enfin non, on est à 4-4 là. Enfin, la douilleur de l'espace. Ok, donc égalité. On continue. Vous voulez une question pour vous départager sur cette partie? Oui. Pour savoir on fait un demi-banco. Savoir si on creuse l'écart ou pas. Oui, c'est plutôt ça. Mais parle. J'en ai, ouais, j'en ai une, mais elle est un peu compliquée. Vas-y. Je suis une chanson. Bref, je mange en même temps. Je suis une chanson de Johnny où mon interprète exprime son ras-le-bol. J'en ai marre. Exactement. Oh, putain, on a gagné. On triche un peu. C'est le frère de Neymar d'ailleurs. J'en ai marre. Oh là, c'est vrai. C'est vrai. En plus, c'est son frère. Hein. Excellent. Mais il existe dans une bande dessinée de Mandrika d'ailleurs. Ok, mais il coûte, ouais, que, lui il coûte que 1000 euros. Pas rien à voir avec les 220 millions de son frère. Lui c'est. Mais j'en ai marre sans déconner. Est un personnage justement qui veut l'apocalypse dans une bande dessinée de Mandrika qui s'appelle Le Cocon Masqué et le Brutschlag Mordoré. Que je conseille à tout le monde. C'est dans la traversée de Paris aussi, je crois qu'il y a. Deuxième partie du quiz. Il faut savoir si c'est Jésus, Johnny ou les deux. Ça va être difficile parce que c'est difficile à justifier après. Johnny, s'il y a discussion, il faut justifier. Ouais. Il est admiré par les rednecks. Les deux. Ah. Alors les deux parce que les deux. Non. Alors les beaufs sont les rednecks français quand t'as un tatouage de loup sur l'épaule. Les rednecks c'est pas français. Les rednecks c'est pas français. Non mais on a nos propres rednecks. On les appelle pas rednecks. Les coups rouges. Les fameux coups rouges. Les fameux coups rouges. En Gascogne. Le coup rouge de Dieu. Non mais du coup quand t'as un loup sur l'épaule, t'es un redneck, même si t'habites à Lille. Et les rednecks américains qu'on connaît, ils disent ouais, Jesus Christ, et après ils tirent à la carabine. D'accord, ok. Donc moi je dis les deux. Moi je dirais Jésus. Dire ça qu'être raciste. Non. Non, non, Jésus. C'est Steven qui a le dernier mot. C'est Jésus. Et eh ben je ne valide pas. Allez. Parce qu'il n'y a pas de transposition comme ça de classe sociale endogène aux États-Unis. Voilà, ni androgyne, ni androgyne d'ailleurs, c'est vrai. On rigole bien. Androgyne Lévis, attention. D'ailleurs, des gens s'en vont. Il y a pas de transposition androgène. Deuxième question. C'est vrai en plus. Sa mère s'est mariée à un collabo. Johnny, tu peux justifier? Bah, je sais des choses. Tu sais des choses. Ah bah oui, c'est vrai. Non, son père, il est parti après sa naissance. Ça veut bien dire quelque chose, non? Et puis elle était belge. Belgique, ça a été envahie direct par l'Allemagne. Il était blond aux yeux bleus. Voilà. Non, pour de vrai, sa mère s'est remariée après avec un type qui a été condamné pour collaboration. Allez. Ce qui fait que Jean-Philippe, le petit Jean-Philippe à l'école, sauf ça, c'est deux fils de Bosch. En même temps, on aurait aussi pu dire les deux, parce qu'il y a une théorie selon laquelle le père de Jésus est un Romain. Ah. Ah. Quoi? Mais je croyais que c'était Dieu. Dieu est romain. Je l'explique dans mon analyse sur Jésus. Vous regardez. D'accord. Bon, on a compris que tu faisais analyse. Hein. Ça suffit dans la promotion. Point pour nous. Hein. Oui. Pour nous. 5-4. Troisième question. Il a songé à rejoindre l'armée israélienne. Je dis avant. Bah les deux. On l'a dit en même temps. Alors. On l'a carrément dit en même temps. Ouais. Attends, vous avez un niveau de cultivation, les mecs, qui dépasse. Et Johnny, il y a pas longtemps, a dit qu'il a. C'est quoi? C'est toi qui as sorti l'anecdote tout à l'heure? Ouais, c'est moi qui l'ai sorti tout à l'heure. Raconte. Et bah, Johnny, a avoué dans une interview qu'il il était. Il a pas avoué, il a confié. Attends, il a confié quoi? Il a avoué carrément, il a dit le. Carrément, il a songé à rejoindre l'armée israélienne parce qu'il était fervent défenseur du sionisme. D'accord, ok. Voilà. Bon. Pas de blague. Et Alexis a dit les deux, alors bon, tu veux justifier? Parce que Jésus, il est juif. Voilà. À la fin, il tape les infidèles. Alors, je sais pas qui a le point parce que vous avez gueulé en même temps. Un point partout. Point partout. Pas de point, quoi. Ça sert à rien. Ouais. Mais alors, je le fais quand même. Quatrième question. Ok. Il est de droite. Johnny. Les deux. Alors, non, parce que. Là, faut justifier. Alors, moi, je dis. Un mec qui te dit. Moi, je n'ai pas mis de réponse. Jean-Tibéry. Tu me fais un placement de 1 pain et je te le multiplie par 8% en moins d'une demi-heure. Ouais. Non, c'est quand même. Il est clairement de droite. Non, je pense que un mec qui dit. Attends, tu me donnes un pain, j'en fais 5000 pour tout le monde. Et pour les pauvres, surtout. Il n'est pas vraiment de droite. Tu vois, à droite, il aurait dit. Je le donne à mes potes, c'est 2 euros. En même temps, aujourd'hui, les gens qui sont cathos, c'est les gens de droite. Ah oui, mais est-ce que Jésus. Comment aussi dire ça? Oh là là. C'est ça. Et les chrétiens de gauche, qu'est-ce que t'en fais? Ils sont minoritaires. En plus, c'est bien une mentalité de droite, tu vois, de bourgeoisie de droite, parce que t'es en mode, je veux bien aider les autres, mais c'est pas moi qui vais donner ma thune, tu vois, c'est Jésus. C'est Jésus qui va sacrifier, c'est Jésus qui va multiplier, tu vois. Les gens de gauche, ils donnent leur propre thune. Les autres, ils disent non, il faut aider les pauvres, mais pas avec mon argent. Là, depuis tout à l'heure, vous essayez de. Qu'est-ce que c'est que ce communiste? D'argumenter pour dire que Jésus est de droite. Johnny, il a soutenu Jacques Chirac, Sarko. Oui. Il a toujours été des gens de gauche, on a dit les deux. Oui, mais Johnny, c'est plus clair que Jésus. Il est de droite, Jésus. Est-ce qu'un mec de droite irait gifler les marchands du temple? Je ne crois pas. Ah, parce que ce serait un marchand du temple. Allez. Ah, hey, voilà. Le marché ne touche pas au marché. Vous n'avez plus rien à dire, donc le point est pour les prostituées de Babylone. Yes. Ah, Babylone 6-6. Bah, tiens, en parlant de ça. 6-6. Il a côtoyé des prostituées. Les deux. Alors, tu peux justifier. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, on est d'accord. Moi, l'autre, je peux. Et Johnny, tous Johnny, les t'as après. Pas de preuves. Je peux justifier par des anecdotes personnelles. J'étais avec Johnny quand j'étais prostituée. Non, mais je peux vous garantir qu'il s'est tapé des putes. Je peux pas en dire plus, mais c'est vrai. Ok. Bah ouais, mais bah c'est pas terrible, comme j'ai dit, c'est sérieux. Par respect. T'étais là, il était quoi, ah, on a juste, je connais des gens qui ont travaillé avec lui et qui, effectivement. Ah, oh, c'est des gens que tu connais bien. Okay. On va oui. avoir un c'est procès. Des gens que tu connais par intermédiaire de quelqu'un. Il est mort non, depuis 3 jours. Ah. Demain dans Closer. Non, vraiment. Un podcast indépendant révèle que Johnny s'est tapé de pute. Est-ce que c'est des gens de pute des gens... Par contre, j'ai pas dit quel type de prostituée. Ah, ok. Ah. D'accord, attention. Tu veux dire des naines unijambistes ou... Non. C'est des gens que tu connais bien qui sont chanteurs ou pas Non. Non. D'accord. Bon, bah, on en saura pas plus. On en saura pas plus sur qui va au pute. C'est dans lequel il s'est fourré. Ouais, merde. Non, en fait, c'était des conneries. En fait, ils ont le point. Ils ont le point, ils ont le point. J'en sais rien. Donnez-leur le point. Cet homme était vraiment fervent. Il était fidèle avec sa femme. Le Seigneur avec, avant tout. Il était fidèle, avec, tout, fidèle ouais. avec toutes ses femmes. Il s'est même jamais branlé de sa vie. Et ouais. Il aimait tous ses enfants, même les cachés. Même pour pisser, il n'a pas touché sa bite. Il est. Pour dire. Il était monogame et même parfois avec sa femme. Ouais. Même quand il se l'a vu, il ne la touchait pas. Bon, on continue. C'est trop long. Sixième question, elle est compliquée. Il aime les femmes au sein nu. Les deux. Bah, les deux. Les deux. Les deux. Tu bah peux ouais. justifier. Ouais, je justifie. Ah si, je sais pourquoi. Ah. Bah Marie Madeleine, enfin Marie machin, lui donnait le sein. Oh, le respect. Oh. Donc il était là comme ça. Ah. Mais est-ce que pour autant tout, tu aimes les femmes au sein nu parce que t'as têté ta mère. Ah bah, alors. Comment savoir. Alors Freud qui n'aime pas les femmes au sein nu. Voilà. Bah, alors, des gens. Il y a des pense. Gens. Les gens que tu croises dans la rue, j'ai pas forcément envie de le voir sein nu. Ou même des gens qui sont attirés par les femmes. Ça devient un débat sur la lettre. T'as envie de dire Alexis du coup. Non, ça, alors ça, on non, peut mais il y avait une meilleure justification, c'est que dans une chanson de Johnny oh, wow. qui s'appelle Jésus-Christ, il dit que Jésus était un hippie et qu'il aimait les femmes au sein nu. Ah, ah ouais, oh, mais là. Donc attends. Je n'accorde pas le point. Il fallait ça, connaître. Ça reste un avis personnel de la part de Johnny. Ah mais non, c'est, grand... c'est le nouvel évangile. Ah, c'est l'évangile selon Johnny. Johnny, c'est vrai. Johnny, c'est un grand exégète. Hein. Il a lu tous les textes. Il a fait des commentaires super ça. Intéressants. Ouais. Sans faire de faux d'orthographe. L'évangile selon Johnny. Et ben on arrive. Ça c'est un beau nom. Ça me rappelle quand j'ai quand j'ai acheté à Blois, à la Steven, la biographie de Johnny Hallyday en 3 tomes complète. Oh, ouais. Putain, merde. J'ai commencé, j'ai lu quelques passages, c'est édifiant, c'est incroyable. C'est, ça pourrait être un évangile, je pense, en soi-même. Il aurait pu être immortel s'il n'était pas mort. Exactement. Et bien, on est à combien, Zaza? 6-6. 6-6. Ouh. Comme par hasard. Comme par hasard. 7-6. 7-6. Mais de toute façon, on arrive au Super Banco. Ah, tout peut se jouer maintenant. Maintenant ou jamais. Et on va se la jouer les chiffres et les lettres. Oh non, oh non. Il va falloir faire du calcul mental. Les oh merde, oh là là là là. Pas le barré là. Combien font 250 x 2 oh là, plus 47 x 3 plus 25 okay, vas-y, 666. Ça. Bien joué. Oh, oh oh, putain. Il a gagné, les gars, c'est un podcast sur l'Apocalypse. Ouais, mais j'allais vous demander de compter, s'il te plaît. Ça veut dire qu'on a gagné. Bah oui. Ah bah oui. Allez. Vous avez gagné le droit d'aller en enfer. Bravo, c'est un quiz qui vous êtes nos petites tepus. Ça fait plaisir. De Babylone. On s'en fout, oui, c'est vrai. C'est vrai, alors, c'est quoi le souci? Et alors, tu iras brûler dans les feux. Métier. Bah, bravo à vous, je pense que ça n'a pas vraiment rondement mené parce que c'est de la triche. Pourquoi c'est de la triche? Parce que depuis quand, comment on te retrouve? Depuis quand on fait des maths dans la fucking kermesse? On n'est ah pas. Bah, on fait des maths satanistes. Ouais, on fait maths spé. On va pouvoir passer maintenant à la dernière partie qui sera, j'espère, sans chiffres. Quoique non, on va falloir en parler. Bah non, 2012. 2012, ah ok, bah j'arrête, il y a trop de chiffres. On passe maintenant à la dernière partie de la fucking kermesse où on va parler de la pop culture et de ce qu'elle a retenu ou pas de. C'est pas la fin du monde. Whoa, whoa, c'est pas la fin du monde. Astérix, ça. La dernière partie de ce podcast, la touffue elle aussi, mais moins parce qu'on va pas parler de la, pas parler des textes bibliques en eux-mêmes, mais de ce qu'on en a fait. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu de l'apocalypse dans la pop culture? Ça, c'est une grande question. Ouais. Alors, déjà, on pourrait commencer par dire que c'est un des grands mythes qui perdure. C'est-à-dire que ce mythe, l'ensemble de mythes eschatologiques a nourri énormément la pop culture. Ouais. Et d'ailleurs, par exemple, Jackass. On pourrait s'interroger sur un fait qui est assez beau, c'est que le livre qui prévoit la fin ouvre toute une partie de littérature qui attend la fin. Incroyable. Ah, on est sur un début qui commence par la fin. Voilà. Ça, pour c'est parler vrai. Du début de la qui, fin. De la fin. De la exactement. Fin. Qui commencera qui début. Après le début. C'est par ça. La fin. Bon ben voilà. Du début. Non mais ce que moi déjà je vois rien que alors peut-être je vais vite. The end of the beginning from the start. Of the beginning. On dirait du Raffarin, hein, c'est magnifique. le juste moi l'idée de la narration de l'apocalypse, je trouve que c'est ça, mais ça c'est, on pourrait citer toutes les œuvres du monde, c'est ça commence, c'est chaud, ça va de plus en plus mal, mais à la fin on est sauvé. Pendant que toutes les œuvres du monde sont basées sur ce schéma. Non, pas toutes. Mais ah. Bah je sais pas, tu vois, quand je pars en cuisine, c'est ça. C'est au début, c'est dégueulasse. Toutes les œuvres qui comptent. Après, Philippe, à savoir Dieu, arrive et dit tu ne fais pas comme ça, un rôti ça se cuit pas comme ça, c'est dégueulasse. Et après, le renouveau, le restaurant marche, bravo. Les gens viennent manger. Ouais. Bravo Simon, t'as bien réussi le rôti. Merci pour cette interprétation. Et du coup, je pense que la brise a introduit un schéma narratif qui est repris par beaucoup de choses, oui. Y compris les plus inattendues. Oui, oui. Oui, c'est sûr, c'est inattendu ça. Non mais en même temps, je pense c'est pas l'apocalypse qui donne ce schéma de d'Happy Ending. Ouais, non mais elle l'a. Oui, c'est vrai. C'est le renouveau tout simplement. Oui, parce mais ça c'est un vieux schéma de littérature. Mais c'est même un schéma de la vie tout simplement. Regarde, Ulysse, il rentre chez lui. Non, mais avant l'apocalypse. T'as aussi des contraires. Regarde Mélancolia de Lars von Trier. À la fin, la planète là qui est dans le ciel, elle percute la Terre. Et bah, d'ailleurs, voilà. Ça c'est une référence à l'étoile absinthe. Et tout le monde est mort et il y a pas de suite au film, tu vois, le film se termine sur un écran noir et reste longtemps sur l'écran noir pour bien dire, tu vois, c'est la fin quoi. Non, mais l'apocalypse dans le 20e siècle, on la retrouve aussi beaucoup. La bombe nucléaire, bordel. Ah oui. Ça c'est l'angoisse de l'apocalypse actuelle. Ça peut expliquer la plupart des œuvres qu'on voit maintenant, parce que l'apocalypse dans le texte biblique, elle est faite par Dieu. C'est Dieu, il fait bon, j'en ai marre, c'est chiant, j'arrête tout. Dans les œuvres à laquelle nous on est confrontés, c'est l'homme qui crée l'apocalypse, et ouais. Ça, c'est un changement de paradigme qui a été fait depuis qu'on a vu qu'on pouvait se sauter tout seul en fait. Ouais. On n'a plus besoin de Dieu pour se détruire. Et du coup, nucléaire. Quoi. Exactement. Et du coup, dans la culture, ouais, j'en parlais dans mon épisode sur Analeps. Sérieux. C'est quoi Analeps? Jérôme Shapiro. Il a dit plus de fois Analeps qu'on a dit Apocalypse. Tu bois à chaque fois que tu dis Analeps. Jérôme Shapiro, il disait qu'on a fait à peu près Hollywood uniquement. 19 films par an sur le péril de la bombe atomique depuis les années 60. 19 ? Ouais, c'est ce qui représente. Et aussi la chanson Bomba. C'est qui représente près de 5% de la production totale d'Hollywood depuis les années 60. Quoi. Parce que, du coup, c'est énorme. Quoi, pour, Je rebondis sur ce que tu dis parce que j'avais fait une petite chronique sur les Mad Max-like. Qui était sorti dans les années 80, et Dieu sait qu'il y en a eu pas autant que ça, et ils étaient extrêmement merdiques, il faut dire ce qui est, et effectivement ça parlait de ça, notamment de toute l'ère nucléaire, mais ça c'était la guerre froide, tout le bordel, ouais. Hein. Ouais. On va se péter sur la gueule. Aujourd'hui, on y revient un peu à ça d'ailleurs aujourd'hui. Hein, quand même. Donc déjà, ouais. Il y a eu, ce qu'on n'a pas retenu de l'apocalypse, c'est que maintenant c'est plus Dieu qui vient nous niquer, c'est nous ça. Qui nous niquons nous-mêmes, donc ça c'est un grand changement assez important, on pourra y revenir. C'est vrai que tout se passe comme si dans les œuvres, il était même pas trop admissible que Dieu puisse s'énerver. Mmh. Ouais. Il n'y a pas trop d'œuvres comme ça où Dieu décide de tuer les gens. Il y a Noé de. Mais parce que ce qui est bizarre aussi, c'est que Dieu va te sauver toi en tant qu'individu, ouais. De l'apocalypse, entre autres, de toi-même et de l'apocalypse. Mais aujourd'hui, est-ce que Dieu va nous sauver de nous-mêmes en tant qu'humain, entité humaine, quoi. Ouais. Non, mais même Dieu n'intervient même plus et est complètement disparu. C'est ça, en fait. Ouais, c'est un monde sans Dieu, c'est un monde sans. Ouais, voilà, c'est ce que c'est Dieu un est truc, mort. Un truc. Ah bah ça, je sais plus qui l'a dit, mais bravo à lui. Hein. mais il y a un bouquin intéressant qui s'appelle Un cantique pour les bovites. Je sais pas si ça vous parle. Un cantique pour quoi? Pour les bovites. Ok. Qui est un bouquin du coup post-apocalyptique où du coup il y a une guerre nucléaire et tu vois le monde est ravagé. Et du coup ça lie un peu les deux puisque le monde a été ravagé par les hommes, et en même temps, c'est les moines qui, après l'apocalypse, font comme les moines copieurs des temps de l'an 1000, et là, copient les plans de construction. Les tweets de Donald Trump. Ouais, non, mais ce genre de trucs, les plans de construction, les schémas. Et ils essaient de reconstruire la civilisation. Ouais, voilà, et du coup, c'est encore. Tu vois, c'est Dieu qui reprend la main, en fait, après l'échec de l'homme sur. Mais je pense qu'il. Ouais. Pardon, ceci dit, beaucoup de gens vont dire, beaucoup de croyants vont dire, attention, si la fin du monde est causée par l'homme, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc finalement, c'est une forme d'apocalypse divine. Mais d'ailleurs, créée par nous. Dans l'apocalypse de la Bible, dans l'apocalypse de Jean, si Dieu vient foutre la merde et dire bon, c'est fini, c'est précisément parce que les humains ont fait n'importe quoi. Ouais. Et tout se passe comme si les fléaux, c'est pas tant des fléaux qui arrivent à un moment donné. Que des fléaux qui sont déjà là, le truc de l'Empire romain et tout. C'est-à-dire, on a laissé Dieu, il s'est dit bon, je vous laisse la terre, essayez de faire un truc avec, vous allez voir que c'est compliqué. Les gars, moi j'ai lavé hier, donc si, enlevez vos chaussures, faites attention parce que. Voilà. Non, mais il leur dit allez-y, gouvernez-vous, vous n'y arrivez pas, donc allez, je vais casser un peu des gueules et je vais reprendre la main. Et du coup, ça maintenant, il y a plus. Enfin, je cherche des œuvres, mais il y a pas d'exemple de schéma. Il y a des trucs comme ça dans la série qui est absolument mauvaise, qui s'appelle Dominion. Essayé de regarder. On peut parler de Dominion. Ouais. J'ai regardé le pilote. J'ai regardé 20 minutes. En fait, et j'ai Dominion, arrêté. C'est une série sci-fi basée sur le film Légion. Alors déjà, quel est le film Légion? Oh putain, personne ne sait. J'ai vu ce truc-là. Tu l'as vu? Ouais. C'est un film. Tu peux en parler un petit peu du coup. Où Dieu décide d'envoyer les anges pour détruire l'humanité parce que. Voilà, c'est ça. On a trop grosso fait. Modo, j'ai vu un mec là, l'espèce d'acteur nordique avec le crâne plus ou moins rasé, d'après je me souviens. Ou c'était dû à Second Vision, je ne sais pas. Et il avait des sortes d'ailes et tout. Il arrive dans une ville et tout le bordel. Et j'avoue que j'ai regardé ça plus ou moins en accéléré avec des trucs. C'était assez mauvais. J'ai vu le trailer, ça avait l'air assez mauvais, effectivement. Ouais, et il se passe pas grand chose en fait. C'est des schémas de films classiques. Ouais, et du coup, de ce film que personne n'a vu, ils en ont fait une série qui se passe 25 ans après. Où du coup, c'est toujours la guerre entre les anges et les humains. Mais là, il y a un élu qui, maintenant, a 25 ans, qui va pouvoir changer les choses. C'est une sorte de post-apo et avec des anges. Et c'est marrant parce que là, dans la série, c'est plus Dieu qui décide de tuer tout le monde. Et ça, la série commence en disant Dieu s'est absenté. Ça n'a aucun sens. Il a laissé un petit écriteau, je reviens dans 5000 ans. C'est ça, il s'est absenté. Du coup, je crois que c'est l'ange Gabriel qui pense que s'il s'est absenté, c'est parce que les humains ont fait n'importe quoi. Du coup, il décide d'aller les buter. Dieu est parti acheter des clubs. Mais dans père. La série Supernatural. Ouais, il y a beaucoup, c'est ça. Hein. Il y a beaucoup c'est les mecs qui luttent contre l'apocalypse, quoi. Mais il y a beaucoup de séries qui, comme Dominion, comme Légion, qui reprennent les symboles, en fait, la symbolique de l'apocalypse. Les anges, les cavaliers de l'apocalypse. Ça, si on est dans le symbolisme, il y a énormément Tu vois, Buffy, Angel, tous les jours, il y a un apocalypse. Darksiders. Darksiders, c'est un jeu c'est vidéo. C'est un jeu vidéo du GHQ. C'est un des cavaliers de l'apocalypse 2010 et qui reprend justement tout cet imaginaire qui est basé sur un comics à la base et c'est Joe Madureira le mec qui dessine peut-être Madureira. Et tu suis Madureira. Du coup l'histoire d'un des cavaliers de l'apocalypse qui il y a une espèce de guerre de complot qui a été mis en place dans son dos et il déclenche l'apocalypse trop tôt et du coup il y a tout cet imaginaire de non les mecs on avait du midi c'est pas en place et aujourd'hui c'est vachement bien c'est sûr les gens trop ponctuels c'est, c'est un très très bon jeu c'est un beat'em all très très sympa mais du coup si on parle là de ce que la pop culture a retenu de l'apocalypse c'est avant tout beaucoup de dragons d'anges de démons et jamais vraiment ni la narration ni la signification, juste le spectaculaire. Oui, c'est le bestiaire, Et l'exemple le plus parlant de ça au ciné, c'est quand même les films de catastrophe. Armageddon 2012. Là, en fait, c'est le jour d'après. On est passé de l'apocalypse à l'apocalyptique. Un peu. C'est le côté destruction du monde. Waouh, trop fort. Roland Emmerich, quoi. Tout va exploser, tout c'est va ça. Détruire. Mais on s'intéresse même pas à pourquoi. Ce qui va se passer après, c'est juste une débauche d'effets visuels trop stylé, ça se détruit. Est-ce que ça, c'est pas l'apocalypse, la fin du monde aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu l'apocalypse laïque entre guillemets. C'est l'apocalypse sécularisé, c'est-à-dire que c'est la sécularisation, c'est quand des idées ou des concepts religieux, on les transforme pour qu'ils aient plus de Dieu et qu'on les intègre dans la société civile. C'est ça. Donc du coup, on enlève toute la vision religieuse. Parce que du truc. La menace actuelle, enfin la menace certainement vraie d'ailleurs, du réchauffement climatique, fin du monde, etc. On va tous crever comme des chiens parce que on a détruit notre monde. C'est une vision quand même très proche de ça. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, oui, non mais clairement, on a récupéré le mythe de la fin du monde et qu'on appelle apocalypse. Mais ça, c'est plus un mythe vraiment, ça devient presque. Là, on est dans quelque chose où on nous présente ça comme une réalité. C'est ça, Qui est toujours à but éducatif d'ailleurs, et toujours instrumentalisé pour nous faire. C'est comme la Doomsday Clock, c'est instrumentalisé, c'est sûr. Pas si tu veux. Parler de la Doomsday Clock. L'idée que Maddox disait qu'on était maintenant. On nous disait que c'était la fin du monde maintenant, quasiment. Oui, la Doomsday Clock, ça rentre parfaitement là-dedans. C'était une horloge pendant la guerre froide. Qu'on rapprochait de minuit. Symbolique. C'est toujours le cas, c'est pas pendant la guerre. Oui, froide. Ouais, c'est toujours. Toujours le cas. On est à minuit moins 2, minuit moins 3. Minuit moins 2. Et là, tu vois, c'est ça, on est à minuit moins 2. On est 2 minutes avant la fin du monde normalement. Quand c'est minuit, c'est l'apocalypse. Ouais, Donc on est... Mais c'est un peu con parce qu'ils auront pas le temps de faire. on n'est pas à l'heure. C'est, donc le côté sécularisé, changement de paradigme, maintenant c'est l'homme qui se détruit. Du coup, on n'a plus la notion de jugement et ni la notion du coup de révélation. C'est-à-dire qu'on a gardé le mot qui veut dire révélation, mais il y a révélation de que est-ce là. Qu'il c'est y a juste, pas un... c'est bah c'est devenu chaos a... en fait. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y a pas un peu ça dans Matrix? Matrix, c'est quand même un monde. C'est un monde post-apocalyptique. Mais en même temps, Neo, on lui révèle la vérité et il voit le monde d'une autre manière. Et on lui révèle pas une vérité où ça se passe bien, quoi. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de messie qui arrive pour sauver le monde. Donc c'est post-apocalyptique avec le sauveur. Et la fin de Matrix 3 qui nous a tous choqués, c'est les fleurs qui reviennent, donc c'est le renouveau. Oui, c'est vrai. Donc oui, il y a Matrix. Matrix, c'est un peu grossier quand même comme ça. C'est, mais bon, c'est un symbolisme même, pas à la truelle. Même tous les trucs genre Godzilla, Pacific Rim, etc., ça s'inscrit là-dedans en fait. Parce que y a, c'est, bon, c'est la bête qui est modernisée, mais qui est censée apporter le chaos sur. Mais sur ça, c'est inspiré d'ailleurs. Il y a l'excellent. Bah, j'ai beaucoup aimé ce film, un remake de Godzilla qui est fait. Ah, par Gareth Evans. Non, non, je parle du film japonais. Ah, le nouveau là, le tout nouveau. Bah, non, Shin Godzilla. Non, ouais, mais c'est un truc qui est sorti il y a quelques années, déjà 2-3 ans. Avec le truc administratif dans le bureau là, ça a l'air et cool. Et ça, et celui-là, il est génial. Non, mais celui-là, il arrive dans le bureau. Non, mais c'est parce que le formulaire à produit, c'est excellent. Les Japonais, ils ont cette vision aussi un peu genre des créatures sous-marines, Godzilla, c'est ça. Hein, Godzilla. Mais Godzilla, parce que les Américains ont vendu ça comme c'était un animal en fait, c'est un gros animal, il est là, et tout comme ça, il bave dessus, il fait caca et tout partout. Non, en fait, Godzilla chez les Japonais, c'est une créature fantastique. Qui vient pour punir les hommes. Qui vient, parce que... Ouais, qui vient, c'est ça. Mais c'est pas du tout un animal. Et dans le dernier film qu'ils ont fait, ils ont repris cette notion. C'est et l'Antéchrist. Le film... Ouais. C'est, la... bah, c'est l'Antéchrist, ouais. C'est la bête. Et ce qui est excellent dans ce film, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans le film américain, c'est toujours tel genre de connards qui vont sauver le monde. Dont Jean Reno. Dont genre un mec et qui va se taper une meuf et en fait, ils vont être en couple pour sauver le monde. C'est... Bon, d'accord, ok. Alors que là, dans le film, c'est japonais, quoi. Les mecs, ils sont en équipe. Il y a des gens qui se sacrifient, il y en a qui meurent. Il y en a un qui est en noir, l'autre il est en jaune, l'autre il est en rose. Il y a ça aussi. C'est vrai ? Non, non, non. Non, non, c'est des militaires en l'occurrence. Mais par contre, ils ont cette notion de sacrifice très japonisée. Voilà, bon. Et Godzilla pour moi c'est ça hein, c'est la terreur en fait de la créature sous-marine un peu Lovecraftienne qui arrive et qui ou la bête a cette tête de l'apocalypse qui est la bête de la mer qui sort de la mer pour venir foutre le bordel et qui a un châtiment divin ça c'est Godzilla sauf qu'eux ils sont pas de culture judéo-chrétienne et qu'ils ont mis moins de têtes du coup voilà ça c'est le côté plus de tentacules moins de tête, plus de tub. Ça, c'est au Japon, c'est presque un credo national. Moins de tête, plus de tub. Non, non. C'est chaud. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de continuation en fait de la société? C'est-à-dire que tu peux faire effectivement Godzilla, Pacific Rim, ce que tu veux, mais si ça a pas la vocation de détruire l'intégralité de la planète, est-ce que c'est pour autant un film fin du monde apocalyptique, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas cette conception de si ça s'applique pas à l'ensemble de la planète et si ça n'a pas forcément l'ambition de tout détruire, est-ce que c'est pas un... Bah non, mais je pense que c'est juste un effet de... C'est-à-dire c'est on va détruire les États-Unis et puis c'est comme si on détruisait tout. Oui, c'est ça. Non, le Japon, aussi, on détruit le Japon et puis c'est, bon, les autres, on s'en fout. Mais tu vois, par exemple, Mad Max. Ouais ça c'est post-apocalyptique. Ça. C'est post-apocalyptique, ça, mais en même temps, la société, elle perdure. C'est une société différente, justement... mais la vie continue, tant bien que mal, mais ça continue, pour moi, ça va ça, c'est dans le renouveau. L'idée, voilà, exactement, ça va dans l'idée de sécularisation de l'apocalypse. Donc avant, il y avait Jésus, Dieu disait c'est bon, vous avez réussi, allez-y, c'est une nouvelle Jérusalem. Maintenant, nous, le renouveau, on l'a retravaillé dans le post-apo, on a déjà mis des fucking kermesses là-dessus, pour dire que le renouveau est pas si bien que c'était comme avant en fait. Donc on a même voulu séculariser l'idée de renouveau pour dire pour aller là-dedans, faire du post-apo et dire. Il n'y a pas de Nouvelle-Jérusalem, même la Nouvelle-Jérusalem, elle est nulle en fait. Mais même l'idée de la puce, est toujours là, ce dont on a parlé dans la FK20 de survivalisme, en fait, elle a de sens que dans cette apocalypse sécularisée où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'après. C'est-à-dire, si Dieu décide que la Terre s'en va et que le ciel s'en va, t'as pas besoin d'être survivaliste. Te cacher dans ton bunker ne va pas t'aider. Ouais. Mais de toute façon, on se concentre beaucoup plus sur l'événement en lui-même que sur ce qui se passe après. En fait, ça dépend pas. Des films. Ouais, il y a beaucoup. Par exemple, les films de zombies à la Romero. Romero, c'est le premier qui avait amené cette notion justement où c'est la fin du monde en fait, grosso modo, parce que les morts se lèvent et ils vont te bouffer. Et après, comment réagissent comme dans l'apocalypse d'ailleurs où les morts comment réagissent les êtres humains? Et en fait, bon, il a une analyse assez fataliste puisqu'il dit en fait les animaux restent toujours des connards. Non, mais je veux dire, je me suis mal exprimé. Du coup, c'est dans ce qu'on a gardé en fait de l'apocalypse religieuse. Oui, voilà. Là, ce qu'on a gardé, c'est surtout l'événement, la symbolique et ce qui se passe après. On a complètement transformé. C'est ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Ouais. Du coup, c'est ce qu'un philosophe allemand du 20e siècle qui s'appelle Gunther Anders appelle une apocalypse nue. C'est-à-dire une apocalypse sans le jugement derrière, où on a juste l'événement traumatique de destruction du monde, mais on n'a pas gardé. Ce qu'il y a derrière lui, il appelle ça une apocalypse nue, c'est-à-dire une apocalypse qui au fond n'a pas de sens. Surtout qu'il n'y a pas de jugement en plus. C'est ouais, sauf que je suis pas par rapport au film, je suis pas entièrement d'accord avec vous parce que dans Mad Max, enfin pas forcément dans Mad Max, mais dans ce truc apocalyptique. Parle dans son micro, Mad Max. Il y a un peu une sorte de remise en question aussi de l'être humain à un moment donné. Tu vois, c'est quels sont lui-même ses jugements moraux dans les actions qu'il va devoir commettre alors qu'il est en période de survie. Mais précisément dans ce genre ça, de truc. Ça c'est chrétien quand même comme. Mais on le fait. En tout cas, c'est religieux. Parce qu'il est toujours dans cette culpabilité. Il est toujours dans cette notion un peu est-ce que ce que je fais est bien ou est-ce que ce que je fais est mal. Ce qui est intensifié par le fait que la destruction en elle-même, déjà, elle est faite par les êtres humains. Oui. Donc il y a déjà, enfin c'est comme si l'apocalypse, cet apocalypse nu, était le jugement en lui-même. C'est pas le jugement qui vient après la destruction, c'est la destruction qui est en elle-même le jugement. Ah oui, c'est ça. Et vu qu'il n'y a pas de Dieu et que personne peut nous juger, c'est pour ça que Dieu peut me juger, mais pas là. Voilà. Il y a que la bombe H. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a pas, enfin qu'on s'intéresse aussi à comment on se comporte, comme vous disiez, dans l'apocalypse, que c'est là qui va, c'est ça qui va le juger. Ce sont des critères moraux et pas du tout divins. Si tu t'en sors bien, si t'es un mec sympa, parce que souvent il y a quand même des idées de punition dans tous les films de 2012 et tout, où les connards ferment la porte devant tout le monde alors que tout le monde veut se sauver, ils finissent par se faire bouffer ou par se faire par mourir. Ouais, les méchants. Bah, un jugement qui est là, mais un jugement interne, c'est plus et les plus transcendants en fait, c'est juste ça. C'est ça. On a tout. Maintenant, on est en autonomie, il y a plus besoin tout de tout en Dieu. Métaphore. Mais tout est précisément sécularisé, c'est-à-dire que tout ce qui peut y avoir de part de jugement. Qui normalement appartient au sacré tombe dans enfin il y a plus d'espace sacré du coup. Tu vois par exemple dans une figure non sécularisée qu'on garde beaucoup et qui a beaucoup nourri la pop culture, il y a quand même la figure de l'antéchrist. Ça c'est quand même quelque chose qui a été repris énormément culturellement à la fois dans les films d'horreur, à la fois dans un certain nombre de, enfin je pense à Hellboy en comics aussi, c'est des figures qui suscitent un certain nombre. On revient toujours à Hellboy, j'ai l'impression. On revient à Alexis, à moi, on revient à Hellboy. Et alors oui, Hellboy c'est l'antéchrist. Vous voulez nous parler de Mignola après? Amun Rama qui est là avec sa main. J'en peux plus d'Amun Rama. Avec sa putain de main qui vient fister le monde, quoi, qui vient amener la fin des temps. Qui devrait, non, mais du coup, ce qui est drôle, c'est que d'ailleurs, dans Hellboy, il n'est pas au service de Jésus pour amener la fin des temps, il est vraiment au service de Satan et il vient pour amener le royaume de Satan sur Terre, en fait. C'est son fils, non ouais. C'est ça, ouais. Dans les comics de Alien, notamment, je pense à de Mike Mignola et de Corben, il y a une histoire justement où c'est des prêtres qui sont là, et c'est les prêtres en fait, ils t'expliquent si tu veux qu'Apocalypse est là, que la bête est là, et en réalité ce sont les aliens. Donc il y a quand même ils ont essayé d'intégrer de manière vraiment, c'est culture populaire à mort quoi, mais cette espèce de notion un petit peu C'est juste que maintenant on peut encore c'est pas trop tard. C'est Gog et Magog en fait. Et ben ça, enfin je pense qu'on peut en parler aussi, influence c'est les Seigneurs des Anneaux quoi. Gog Magog, enfin il a repris quasiment les noms. Dans Balrog il y a aussi Gog. Ouais, grosso modo, mais il a repris l'idée des démons élémentaires. Il y a George Martin surtout aussi. Oui, voilà, enfin George Martin, Winter is Coming, c'est l'apocalypse, on peut le lire comme un texte de fantasy assez fondateur quoi. T'as fait une analyse dessus, je crois. Et tout à fait. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans les textes. Mais du coup, c'est un des premiers textes de fantasy juste l'apocalypse. Le dragon, les bêtes à 8 têtes, enfin ça sûrement grâce à ça qu'on a tout ce qu'on a maintenant à mon avis. Bah c'est tous les symboles. Ah tous les trucs de geek là, je connais pas moi. Bah, toute la fantasy elle est basée plus ou moins là-dessus. Enfin, en tout cas, tous les images des chimères sont basées là-dessus. Le coca-cola. Les chimères, ça existait avant. En fait, les chimères, c'est l'apocalypse de Jean qui récupère les chimères du monde grec. Ouais. Mais c'est pas lui qui les invente, quoi. C'est qu'elles sont récupérées. Parce que l'apocalypse est déjà elle-même inspirée de la pop culture qu'il y avait avant elle. Voilà. C'est pour ça qu'on peut l'analyser en tant qu'œuvre, quoi. C'est pas seulement un truc fondateur, c'est aussi qui se nourrit de code et qui retrouve notre code. Alors c'est un très bon bouquin de fantasy. C'est mon livre de chevet. Mais c'est vrai que la notion de Dieu, elle est Et justement, l'apocalypse, ça servait aussi à expliquer les phénomènes naturels sur lesquels on n'avait pas de contrôle, parce que les tremblements de terre, les tonnerres, les tempêtes, il y en a tout le temps. Et maintenant, on a un peu repris ça. Alors maintenant on les explique en fait. On a Evelyne Delia qui nous explique pourquoi il y a un anticyclone. Et pourtant, on a ce qu'on fait de l'apocalyptique sans faire d'apocalypse. 2012, qui une sorte de jugement de la planète ou une sorte de rétribution naturelle qui va nous punir. Avant, c'était clair dans l'apocalypse, c'était pour expliquer ce qu'on comprenait pas. Maintenant, je sais pas pourquoi on fait ça encore, parce que c'est feignant, j'ai l'impression, ce qu'on sait. Mais non, mais il y a plus de. Parce qu'en fait, il a un autre sens. C'est-à-dire que. Dans les mythes eschatologiques religieux, le truc qui fait peur, c'est la colère divine. Dans les années, à partir de la Seconde Guerre mondiale et pour la guerre froide, ce qui fait peur, c'est la bombe nucléaire. On a tout un lot de films où cette fin du monde, qui est quand même le fantasme ultime de l'humanité, s'incarne dans la bombe nucléaire. Aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Et dans cette étape, il y a un passage entre... Dans les textes eschatologiques, c'est transcendant, comme tu disais, c'est-à-dire ça vient de l'extérieur, c'est Dieu qui décide. Et à partir de la bombe et pour le réchauffement climatique, c'est nous qui sommes la cause. C'est immanent. Ouais. C'est l'épée de Damoclès qui guide les comportements des gens, du coup. Et qui, Ouais. Après, il y a un historien américain qui a fait une analyse assez intéressante qui disait que, en gros, bon, là, c'est son analyse date un peu, donc il faut remettre en perspective avec le réchauffement climatique. Mais jusque dans les années, enfin des années 90, c'est-à-dire la fin de l'URSS et donc la fin de la guerre froide, jusque en gros aux années 2010, on n'a plus d'attente quasiment apocalyptique. On est passé à l'an 2000, à part le bug informatique, voilà. Sinon, on a survécu à l'an 2000. Donc on n'avait quand même pas trop de, tu vois, de flip. Même 2012, bon, c'était quand même un peu une blague. Ouais. Et en fait, le mec l'explique en disant parce que l'humanité a déjà connu l'apocalypse, parce que on est passé par la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on est passé par un génocide de masse, etc. Et en fait, après coup. Les hommes, on est dans la Nouvelle Jérusalem. Mais non, mais tu vois, non, mais sans aller. Je pensais que ça avait plus de gueule. Sans aller trop loin dans l'analyse, tu vois, le mec se dit, on a déjà connu le pire et donc on peut pas. Mais en fait, les apocalypses, on peut pas se projeter plus loin. Quoi. Mais les apocalypses, l'Empire romain, c'était ça pour à un moment donné. Enfin, je veux dire, quand tu regardes le monde. C'est un apocalypse permanente. Oui. Permanente. Ouais. C'est ça dépend où tu vis, quoi. Oui, nous, on le connaît pas, mais tu vis dans un pays en guerre en permanence. Ou... Oh, nous, on le connaît pas quand il coupe le courant pendant une demi-heure. Le ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'ai pas eu internet pendant un mois, je peux te dire que c'était l'apocalypse. Quand le dimanche matin, tu veux t'acheter tes nouilles et que tu vois que les magasins sont fermés, c'est dans la merde. Mais par contre, exactement. Ce matin, je suis allé au McDo, il y avait pas de CBO. Oh putain. L'apocalypse, c'est vrai. L'apocalypse. Le CBO est de retour. Oui, le CBO est de retour. Allez-y, le CBO est de retour. C'est un des signes annonçateurs. Le CBO est de retour, c'est la fausse bête. On avait dit dans le livre. Le livre d'Eli, qui est un film post-apocalyptique, il y a cette notion-là quand même. Et là, avec le renouveau est amené par le texte sacré, en plus, dans le livre d'Eli. Pardon ? Dans le livre d'Eli, le renouveau est amené par la Bible. Voilà. Doit... Donc on vient de spoiler comme des morts. C'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. Pas non plus un film. Ça fait 10 ans et il était pas très bien déjà à l'époque. Donc, Mais moi, la question que je voulais vous poser, c'est. Pose-nous une question, vas-y. L'apocalypse, on l'a vu, elle avait un intérêt à l'époque pour souder une communauté, pour lui dire que ça allait aller, même si c'était dur et que Jésus, toute personne l'aimait à part vous, à la fin vous allez gagner. Maintenant, on a repris, j'ai l'impression, comme tu dis, c'est une apocalypse nue. Est-ce qu'on peut faire encore des mythes, nous, apocalyptiques Est-ce qu'elle a encore une utilité politique, tu veux dire? Oui, est-ce que nous, on fait beaucoup de mythes qui mettent en scène, beaucoup de divertissements qui mettent en scène l'apocalypse et l'apocalyptique, mais ça sert plus à rien. Mais si, c'est précisément. Je suis pas d'accord. C'est du prophétisme. C'est-à-dire, on dit, par exemple, la bombe. Pour la bombe, le grand film de la pop culture, c'est Docteur Follamour de Kubrick, où c'est une mise en garde. C'est-à-dire que Kubrick fait une mise en garde contre cette course à l'armement, et au fond, il montre que le moindre grain de sable dans la machine de cette terreur mutuelle peut détruire l'humanité. Donc tu vois, il y a quand même cette vision prophétique de « je vais vous montrer ce qui peut arriver si vous ne changez pas votre comportement ». Oui, sauf que le problème, c'est que de la différence, à mon avis, c'est que dans les religions, après, tu peux être sauvé, en fait. Alors que là, aujourd'hui, si tu veux, on nous dit... Je suis pas d'accord. Il y a un peu cette notion... Si t'es un religieux, tu dis aujourd'hui, il faut croire, parce que c'est le moment de croire, dans le sens où, si vous ne croyez pas, attention, c'est sûr, ça va péter, on va être dans la merde. Si vous ne croyez plus à rien, ça va être le chaos, ça va être l'enfer. Je suis pas d'accord. Alors que si vous êtes encore dans la croyance, on pourra se sauver, si vous mettez d'un point de vue religieux. Bah, en fait, c'est-à-dire que, pour moi, c'est une question d'échelle. Parce que si tu te places dans le récit de l'Apocalypse... Dans l'apocalypse de Jean, en fait, tout le monde se prend les grosses catastrophes initiales, tu vois, les premiers sauts et tout dans la gueule. Ouais. Et après, il y a des occasions de rédemption au fur et à mesure que l'apocalypse se déroule. Et je trouve que dans les récits post-apocalyptiques actuels, c'est un petit peu la même chose parce que, une fois que tu as eu l'événement apocalyptique, tu as une sorte de rédemption des personnages dans les fictions qui est prévue par l'adhésion à des valeurs qu'on peut qualifier de judéo-chrétiennes, en tout cas qui sont valorisées par la Bible. Tu vois, genre, les héros vont toujours. Je pense à The Walking Dead, je pense à The Road, où vraiment, après ces événements apocalyptiques, les héros que tu vas suivre vont avoir une sorte de rédemption en aidant son prochain, en créant des communautés. Même tu dans vois, les c'est, films catastrophes. C'est quand même une sorte de promotion en fait de ça et d'une occasion de rédemption, en tout cas métaphorique. En l'occurrence, parce qu'ils sont dans la culpabilité judéo-chrétienne de se dire est-ce que j'ai fait des conneries, j'aurais pas dû tuer cette personne, finalement maintenant ça va mieux, faudrait peut-être quand même que les choses s'arrangent, on va essayer d'aider mon prochain. Juste avant, tu disais que du coup tout le monde allait se prendre le truc dans la gueule et qu'il n'y avait pas d'option de rédemption. Oui, sauf que c'est pas le cas. C'est indirectement, oui, sauf que la notion elle-même de religion. Elle n'apparaît plus en tant que telle. C'est-à-dire qu'on parle plus de Dieu. Non, ouais, mais non, on s'en adhère à des valeurs qui sont analogues. Oui, mais donc, c'est des valeurs qui, c'est des valeurs c'est qui étaient un ordre moral, voilà, c'est ça. Oui, mais c'est un ordre moral qui était déjà là avant, finalement, qui ressurgit parce que effectivement, peut-être qu'il y aurait une, encore cette notion de Dieu quelque part, de jugement dernier, bah, donc de bonté innée en fait de voilà. L'être humain, tu vois. De ouais, mais ça devient presque plus des notions humanistes plus générales parce que finalement, ouais, mais tu un peux humanisme dire... qui est fond, enfin qui est très imprégné de culture judéo-chrétienne. Oui, judéo-chrétien, oui. Sauf qu'après tu peux dériver en disant moi, oui mais le dire, tout le monde le dit. Ça peut être tu peux dire aussi mais éthiquement parce parlant les êtres humains sont, si tu vas dans ton discours humaniste tu peux dire oui mais sans parler de religion humainement parlant c'est un humaniste ah, tu oui, peux mais dire moi je suis convaincu de ça mais voilà, ça, c'est, après c'est très personnel. Attends, c'est ça, oui, ça. Tu veux dire que ça. Tu t'engages pour dire que tu es humaniste c'est ça? Oui. Ah oh, ouais, quand même il s'engage. Ça est humaniste un autre débat. Là on s'engage, on l'a établi depuis. Là ça devient une notion humaniste qui finalement sort un peu du carcan religieux qui vient du texte en fait. Mais le religieux en fait je pense que simplement il est pas exprimé, mais il est toujours latent. Après, on le perçoit à travers nos yeux de judéo-chrétiens, comme Fabien en parlait. Mais judéo-chrétien, mais... En off. Oui. Non, mais si c'est... vous lisez aujourd'hui toutes les interviews des mecs qui se radicalisent et qui partent rejoindre Daesh, et des Européens, ils ont une vraie vision apocalyptique de ce qui se passe actuellement en Europe, que le mariage pour tous, c'est la fin de la civilisation, etc. On et eux, avec des grands signes. Et alors non, qu'il vaut mieux se marier avec des villes. Et eux, ils ont. Non, mais et eux, ils y croient vraiment, quoi. C'est pas. Non, mais des barges, il y en aura toujours. Mais ça, je pense que. Ouais, mais, ouais, c'est... mais bon, en fait, c'est une échelle importante. On a beaucoup. On a, en fait, t'as je pense qu'il y a une impression d'être en crise permanente. Faut qu'on a beaucoup d'infos. Et ouais. On n'arrive pas à les traiter. Il y a l'impression facile qu'on peut se dire ok c'est tout le temps la merde parce qu'on est abreuvé de trucs qui vont pas. Et du coup on a je pense un besoin de mythe apocalyptique encore plus fort maintenant qu'on a beaucoup trop d'infos qui nous arrivent tout le temps. Et on a l'impression que c'est tout le temps la merde, c'est toujours à minuit moins deux. C'est-à-dire que les apocalypses religieuses ce sont des révélations où on va dire attention au bout d'un moment ça va se finir. Alors que là on vit dans un monde où la fin nous hante. D'ailleurs le philosophe dont je parlais qui s'appelle donc Anders. C'est dans je parle d'un bouquin qui s'appelle La menace nucléaire, considération radicale sur l'arme atomique. C'est un titre pas très catchy, je pense. Non, librairie. Non, c'est vrai. En librairie, je crois qu'il est offert à vos enfants. En librairie, juste après celui de Joy Phonics, je crois. Et le gif des youtubeurs. Et donc, il dit qu'on vit actuellement dans ce qu'il appelle le temps de la fin. Non pas la fin des temps, mais le temps de la fin, c'est-à-dire la fin permanente. On vit dans un temps où on a l'impression que la fin va arriver continuellement. Oui, ça rejoint la fin de l'histoire de comment il s'appelle Fukushima. Fukushima. C'est vrai qu'on nous vend ça comme ça. J'ai aussi une autre problématique à vous amener. C'est bien d'amener les problématiques à la fin. Quand on parle de fin du monde, alors attention, ça va être le petit moment philosophe. Voilà. Fin, ça a deux sens. C'est la fin. La fin d'un truc, ça se termine. Et la fin, le manger. Ouais, le et manger. La fin, le sens du le but, l'objectif. On revient au CBO. Et bah, précisément, je pense que ça, c'est la différence entre l'apocalypse eschatologique et l'apocalypse contemporaine, l'apocalypse nue. La fin, du coup, quand on dit la fin, ça se termine, et la fin, le but, la fin de quelque chose, je fais ça en vue de la fin. Le but, c'est plus religieux. Et la fin, la fin. Si l'apocalypse est une fin au sens d'un terminus, c'est parce que c'est l'achèvement de l'œuvre de Dieu, alors qu'aujourd'hui il n'y a pas de notion d'achèvement, c'est simplement c'est la fin parce que c'est fini et puis voilà. Mais parce qu'on a perdu toute notion de but et d'achèvement, il y a parce pas qu'on n'est plus, on croit plus rien, c'est dégueulasse. Ouais, c'est la jeunesse de nos jours, moi je vous le dis, de toute façon c'est n'importe quoi. Ils sont là, ils vont mater des films de cul et après ils vont manger des pop-corn des CBO et parfois les deux en même temps voilà, et ils écoutent je ne sais quoi Kenji Iglesias, je ne sais pas, ils vont devant Emmanuel Macron. C'est ça la fin du monde, il est où Dieu là-dedans, bordel, il y a plus, il croit plus à rien. Jupiter, voyons. Moi, je suis inquiet par rapport au nombre de gens qui ne vont plus à l'église. Ça m'inquiète. J'y étais encore dimanche. On était 7. Voilà, alors que pendant ce temps-là, on ouvre plein de. Non, je. On aurait dit une pièce de théâtre. Border. On pourrait appeler ça RERB à 17h50. Tu le connais, le mec Gare du Nord qui nous explique que c'est la fin du monde. On va pas parler de ce mec-là. Vous le connaissez ou pas? Non. Il y a un mec Gare du Nord qui est là quasiment tous les matins et qui nous explique que c'est la fin du monde et que Jésus nous accueille dans son cœur. Putain, mais fallait l'interviewer ce mec-là. On aurait dû l'inviter à la FK. Ouais, grave. Après, t'aurais demandé de l'argent sûrement. Mais bon. C'est probable. Moi, ticket restaurant. Parce que lui, on aurait dû le payer pour venir à la FK, contrairement à tous les autres invités. C'est ça. Manox, il risque de nous demander des tickets restaurants à un moment donné. Ah, c'est sûr. Non, mais c'est bon, il je sais que c'est des chapeaux déjà. Lui déjà. Pas abusé. Est-ce que j'ai l'impression, du coup, pour conclure, on peut dire qu'on est plus pessimiste et spectaculaire et qu'on croit plus en grand chose à part nous qu'allons foutre la merde. Ouais. Je pense que c'est un bon résumé. En même temps, est-ce que c'est pire que de croire une religion? Bah, avant, ils attendaient que quelqu'un fasse quelque chose pour eux. Maintenant, on sait que c'est nous qui allons faire de la merde. Donc on a internet. On attend même plus que nous fassions quelque chose pour nous. S'il n'y a pas Bruce Willis, on est foutu. Ouais. c'est ça, en fait. Enfin, au final, on faisait quand même de la merde avant. Hein, on a eu, est-ce que les religions, parce que la question aussi c'est ça, est-ce que ces religions depuis le, on en est là aujourd'hui, est-ce que les religions nous ont aidé à empêcher ça, à moins faire de la merde? Ça c'est la c'est prochaine, on va pas s'engager. C'est la prochaine. Par contre, FK. On est humaniste. Est-ce que Dieu, ça peut le retenir, on est humaniste. Donc retenez la problématique de ça, où faut-il s'engager pour Daesh? Voilà la conclusion. En tant que judéo-chrétien. Bon, on a fait à peu près le tour, c'était un sujet assez, fin, c'est dur de traiter un sujet comme ça parce qu'il est trop gros, entre guillemets, et trop bordélique. Mais on a voulu se la jouer France Culture, il faut le dire. Oui, ça fait quelques émissions déjà, si tu remarques. C'est vrai. On espère que vous avez à peu près compris quelque chose. Parce que nous, non. Expliquez-nous. Envoyez-nous vos interprétations. C'est un peu une émission. Faites l'exégèse de l'AFK. Mettez ça dans le bon ordre et vous comprendrez plus tard. Hein, voilà. C'est ça. Et on a pas une question pour finir, genre... quand on avait fait la FK sur le survivaliste, on avait dit quel type de survivaliste vous seriez, etc. Toi, tu veux savoir quel truc auquel les gens n'ont pas du tout répondu, on a parlé comme d'abord. On a omis un point important à la pop culture, c'est que l'apocalypse peut aussi provenir d'ailleurs de l'espace. Mais oui, c'est vrai. Mais est-ce que les extraterrestres sont les nouveaux dieux? Ah, voilà. Comme dans Stargate. Il y a aussi la météorite, quoi. Armageddon. Et on a même pas parlé d'Armageddon. Attendez, quand Bruce Willis il pleut et sa fille elle grave, le voit, parce qu'il y a aussi le documentaire là, qui est sorti sur Netflix, Unknowledge, hein. Quoi? Ouais, Unknowledge ou je ne sais quoi là. Unknowledge. Voilà, Unknowledge. qui t'explique qu'en fait, un mec vient t'expliquer qu'en fait ils sont là depuis longtemps, etc. Avec aucune preuve à l'appui, mais avec plein de témoignages. C'est des témoins de Jéhovah, du coup. Avec plein de témoignages et tout. Et le mec te dit attention. Mais par contre, il a une vision différente. Il dit, en fait, ils sont gentils. C'est juste nous qui sommes méchants. Les extraterrestres. Ah, tu parles. Ouais. On dirait super. En fait, lui nous dit. En fait, il nous dit, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que lui, il nous dit par rapport au film, il nous dit, attention, ils sont là pour nous prévenir. Ils sont là pour nous alerter. Et s'ils viennent, par exemple, dans la zone 51, j'étais presque. c'est pour nous dire. Ils viennent voir. Ils disent, oh là, ils sont en train de faire péter des trucs. Ils vont soit se détruire eux-mêmes ou soit nous détruire nous. Et donc, est-ce que, grosso modo, il dit un peu indirectement, nous sommes l'apocalypse et eux sont là pour venir voir les chevaliers de l'apocalypse, qui ce serait l'espèce humaine. Ah là, c'est un peu comme dans Prédiction. Wow, très compliqué. Je sais pas si vous avez ce film avec Nicolas Cage. Moi je dites-nous si vous êtes intéressé sur Twitter. Non. Moi je milite pour qu'on fasse une FK sur Nicolas Cage. Avant de conclure. Non. On a parlé de quelques trucs. Il y a tout un courant de bouquins et de films qui s'appelle genre Left Behind, où ça pas, et Leftovers en fait partie. On va pas parler de Leftovers, ça serait dommage. Il y a dans l'Apocalypse un truc de l'enlèvement de l'église. En gros, les fidèles sont emmenés au ciel pour échapper à tout ça. Vous avez fait une fausse fin de cette FK et après vous êtes reparti. C'est un scandale. C'est l'Apocalypse permanent. Il y a tout un courant. Il y a tout un courant dont on parle pas dans la pop culture qui veut adapter l'Apocalypse et adapter. Littéralement ce qui se passe. Il y a souvent des films un peu chrétiens qui veulent nous expliquer que c'est chaud. T'as parlé de Bergman? Oh, ça c'est pas grave. La pop culture Bergman, parlons-en. La culture populaire. Mais juste, ouais, vu qu'on a dit qu'en gros, on a fait un bilan assez négatif de ce que la pop culture avait retenu de l'apocalypse, ou en tout cas un bilan assez mitigé. Peut-être sommes-nous désenchantés, tout simplement. The Leftovers, c'est peut-être une bonne façon de conclure pour dire que c'est stylé ce qu'ils ont fait. L'idée. C'est l'apocalypse, il y a eu l'enlèvement de l'église, les fidèles sont partis, nous on est là, qu'est-ce qu'on fait? Ça représente assez bien, je pense, tout le malaise séculaire dont on parle et qui se retraduit par les œuvres dans une seule œuvre. C'est ce qui se passe dans This Is The End, d'ailleurs, le film avec rigolo avec Seth Rogen. Seth Rogen et James Franco. Donc Emma Watson et tout. Là, c'est la vraie apocalypse, mais façon comédie américaine. C'est ça. Bah, en gros, t'as toutes les bonnes personnes qui se barrent et forcément, il reste tous les acteurs d'Hollywood parce que c'est des gros pourris, donc c'est une façon de critiquer un peu le milieu d'Hollywood. Et ils se retrouvent tous entre eux à gérer. À faire des blagues de bip pendant que les démons sont là. C'est à peu près ça. Ouais. Mais très intéressant comme film. Mais du coup là, on est dans de l'adaptation un peu, on prend un matériau et puis on en fait un truc, quoi. Est-ce que ça, c'est un révélateur et c'est un outil de critique sociétale. Ouais, mais c'est intéressant parce que ça va à l'écart de ce qu'on disait, où on sécularise, on annule Dieu, là on reprend carrément le truc tel quel. Ouais, mais pas pour en faire un mythe. Oui. Pas pour continuer le mythe, mais on se sert d'un matériau pour continuer la vision politique. C'est un outil. Oui, on continue. Voilà, c'est un outil, exactement. C'est un outil scénaristique. Mais tout comme l'Apocalypse de Jean est un outil de révélation politique plus qu'un, ouais, plus et qu'un comme mythe. Comme les films post-apocalyptiques, on en avait parlé déjà dans la dernière mission, mais qui permettent d'agir comme révélateur de l'âme humaine et des voilà. différentes. Et on a fait un renouveau. Vas-y, j'avais fini. On avait. T'avais fini pas. Connard. C'est juste pour dire que là, du coup, on avait fait une fin. Et qu'après il y a eu un renouveau, et là on refait, enfin c'était beau. C'est comme la FK. Voilà. Il y a une et fin, donc voilà, ça y est, c'est maintenant c'est le règne de Jésus-Christ. Et là, ça y est, c'est le millénium. On y est. 1000 ans. Alléluia. La prochaine FK sera dans 1000 ans du coup, voilà. Retenez ça. Et on passe avant de finir en beauté avec la vie Patrick. Mais c'est pas une vie Patrick. On n'a pas de questions là. Normal. Si, bah, si, ouais, vas-y, on attendait bon, bah, qu'on arrête. Attention, c'est le renouveau permanent. Question de quoi? Tu voulais poser quoi? Je sais pas. Quel cavalier d'apocalypse serez-vous? Ah, moi j'ai une question pour vous. À votre avis, l'apocalypse sera réellement dû à quoi? Ah ouais. Attention, on rentre dans le complot. Attention, moment complotiste. D'accord, vous, non. Moi, c'est les extraterrestres. Le public a dit la Corée du Nord. Ah, la Corée du Nord. C'est okay. Une belle tentative. Moi, je suis platiniste. Alors, il y a les platistes. Michel Platini. C'est Michel que, oui. Que la Terre est plate. Moi, je pense que la Terre, c'est Michel Platini. Et à mon avis, à un moment, il va juste se lever. C'est son crâne. Il va se lever. Et on va tous mourir. C'est la première. Voilà. Ça, c'est mon avis. C'est vrai, été amené c'est marrant parce que le début de la blague était bien et après. J'avais que platiniste. On avait remarqué. Je sais pas, toi, Zaza. Pour moi, comment la fin du monde va arriver? Ouais. Quand il y aura plus de Big Tasty. T'es sérieux? J'allais faire un truc sur les CBO. Tu m'as fait mal. Non, fais un tour. Je te connais, fais un tour. Ah, moi, c'est extraterrestre. Extraterrestre. T'es sûr? Ah, certain. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils vont pas kiffer ce qu'ils vont voir. Tu peux pas, on peut bah, pas genre, il peut pas le dire, mais il a des infos qui font que. Il sait que comme avec Jolie. Voilà, j'ai les infos. Je connais quelqu'un qui a eu des putes extraterrestres. Bon, bref, voilà. Avec Johnny. Bon, voilà. D'ailleurs, Johnny n'est pas mort. Il non. est dans le bordel interstellaire. Voilà, exactement. Alexis, tu voulais qu'on pose une question, tu réponds. Non, moi je pense qu'on va s'autodétruire tout seul comme des grands, quoi. Ouais, ok. Tu réponds pas donc. Non, mais des trucs genre génocide de masse et tout. Ouais, ou gros tsunami avec la pollution. D'accord. Ou des marques comme ça. Et donc, moi pour faire un lien avec la FK, je sais plus combien, où LTP était là sur le transhumanisme, je pense que ça c'est un bon truc pour niquer tout. D'ailleurs, il y a quelques. Genre Wally, quoi. Il y a 2 ou 3 semaines. Il y a un type qui s'est injecté, vous savez, il y a une protéine aujourd'hui qui permet de découper l'ADN. Il s'est injecté ça dans les bras pour augmenter sa masse musculaire. Putain, le mec, et tous les matins, il se regarde pour savoir si c'est bon. Je vais à la salle. Je pense que c'est plus ou moins l'histoire de Hulk. C'est juste la chiasse, en fait. Et non, pour le moment, il n'est pas mort. J'ai pas pris de ces nouvelles récemment, mais je pense que ça c'est un bon vecteur pour se niquer. Il y a moyen, on va tous se coder dans un ordinateur géant. Il y a un mec qui va débrancher la presse enfin. C'est ça. Il va euthanasier l'humanité, c'est beau. Il y aura une vieille erreur 404. Voilà, alors je pense que là, c'est le moment. Non, on n'a pas eu celle de Zaza. Ouais, Zaza y est pas. Quoi ? Mais non, c'était très bien. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Avant de se quitter, voilà. Une vie Patrick un peu spéciale. Putain. C'était le bordel, mais bon, c'était compliqué comme. C'est pas grave, c'est. C'est parti. La vie Patrick, pendant très longtemps, pendant des générations, ça a été donner des conseils de vie un peu pratiques, mais Patrick à Patrick. Par exemple, il va au Puy du Fou, comment il fait? Il va acheter un flunch, comment il fait? Là, c'est fini. Terminé. Patrick, tu dois te trop débrouiller tout seul parce que là, on va rentrer plus dans ta vie. On va faire un feuilleton, vie Patrick. On va suivre une histoire qui va se dérouler sur plusieurs FK, une sorte de petit film interactif. Ouais, une qu'on va écrire à plusieurs. Voilà. On fait une fanfiction de Patrick. Et bah, c'est très bien dit. Et là, c'est le premier épisode. Une Patrick-sion. Patrick-sion. Du coup, que je vais vous lire. J'espère que ce sera bien. Ça, c'est pas dit. Le monde repose sur des piliers. Immobile au beau milieu de l'entropie. Il est des fondations qui résistent au ressac insistant des secondes, qui demeurent peu importe qui gagne la Coupe du Monde. Patrick, Jean-Michel, Hervé et les autres habitués du PMU, le Jospin, font partie de ces piliers. Lorsque le restaurant d'Yvette, celui après la rocade, a dû fermer après un contrôle d'hygiène et révélé que les filets de bavette avaient été congelés sous Pompidou, ils étaient là. Quand Tex a fait sa première blague, ils furent les premiers à rire. Et à chaque fois que Platini a marqué, les premiers à se resservir. Accoudés au bar jusqu'à la fin des temps, les années peuvent bien passer car ici on compte engorger. Au jugement dernier, ils attendront Jésus avec un digestif. Rien ne les a fait bouger et il semblait que rien ne puisse y parvenir jusqu'à aujourd'hui. Il serait difficile d'expliquer ce qui a pu pousser cette étrange cohorte à tituber jusqu'au square municipal Charles Pasqua pour pique-niquer. S'il est possible qu'un singe avec assez de temps et une machine à écrire puisse par hasard écrire l'Iliade, une bande de poivreaux peut sûrement, au bout d'une kyrielle de cuite, rassembler assez de saucissons, de mousse de canard et de courage pour momifier ses artères au soleil. On avait rarement vu Jean-Michel aussi joyeux, lui qui d'ordinaire se contentait de rire aux blagues de Patrick en hochant la tête dans son verre. Il y a deux divorces et quatre cirrhoses, il aurait sûrement beaucoup souri. Hervé, lui, paraissait désorienté. L'air frais grattait le cuir de sa peau et le square était dénué de tout bol de cacahuètes. Mais il s'accrochait à ces quelques instants uniques passés avec ses amis, comme à son verre en plastique Saint-Étienne. Après 30 minutes hors du Jospin, notre fine équipe décida qu'il était temps de rentrer, car on ne sait jamais, et que je suis pas bien rassuré quand même. Tu te souviens ce qui s'est passé au Balto ? Ils rentrèrent. Dès les premiers pas, Patrick sut que quelque chose n'allait pas. L'odeur des sapins spéciales Beaujolais Nouveau 99 était différente. Le sourire de Patrick Sébastien sur le poster dédicacé de son troisième album semblait presque triste. Qu'avait-il pu se passer ? C'était probablement qu'un mauvais sentiment, un reste d'air frais qui lui obscurcissait un peu le cerveau. Un verre de pastis permettrait de... Mais... vide. L'étagère où trônaient comme des trophées les 51 bouteilles de pastis était... vide. Patrick sentit son monde s'écrouler. Plus rien n'avait de sens. Qui ? Comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va boire ? Y a-t-il au moins un peu de marée brisard pour compenser ? Patrick allait devoir mener l'enquête, peu importe ce qu'elle dévoilerait. Bravo. Oh. Voilà. Donc là, on est dans l'épisode pilote. Hein. On vous a un peu fait un petit teasing. Patrick va devoir mener l'enquête, savoir qui a volé son pastis. Au niveau captatio de l'auditoire, on est... Il y a un peu de caractérisation. Ouais. Un peu de captation, enfin c'est vraiment c'est bien ficelé. Hein. Oui, bravo, l'apocalypse de Saint-Jean à côté, c'est pas grand chose. La relève va être difficile. Qu'est-ce qu'il va écrire du coup La prochaine, c'est Steven Ouzassa qui va devoir continuer l'histoire. Ah, vous tournez, vous écrivez. Ouais, on sait pas ce qu'on écrit en fait. Au fur et à mesure, on récupère l'histoire et on se démerde. Voilà, okay. Ça va être une grande épopée. Une nouvelle expérience. Bah, ça va être sûrement vous êtes l'Odyssée Alexandre moderne. Dumas 2.0. Bah, je pense qu'après, on fera un recueil et qu'on le vendra et puis cher. On peut vous laisser avec une citation d'Alexandre Dumas du coup. Il est possible de violer l'histoire à condition de lui faire des beaux enfants. Ouais. Oh, ça fait longtemps que ça n'avait pas parlé de viol. Il lui fallait Alexandre Dumas pour légitimer la chose. C'est génial parce que je voulais la placer, mais il n'y avait pas d'occasion et quelqu'un a dit Alexandre Dumas. Mais c'était vraiment magnifique. Mais tu peux faire ça avec tout, hein, comme a dit Shakespeare, j'ai envie de gratter la bite. Oh, bien. Putain. Alors on remercie Alexis. Alexis, toi tu fais quoi ? Analeps, hein, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Une chaîne c'est YouTube. Toi ah, ouais, c'est Alexis. Moi. Mais par contre, tu n'es pas dans le guide des youtubeurs. Ah ouais. Ah oui, ouais. C'est vrai ça. Ah ouais. Non mais pas encore. Non mais ils ont mis que les trucs bien. Quel bâtard. C'est pas vrai, les vidéos d'Alexis sont super. Il l'a fait sur l'Apocalypse, peut-être que vous comprendrez plus de choses. À mon avis, il faut écouter l'AFK Apocalypse et après aller voir les vidéos d'Alexis comme voilà. Ça on comprend encore. Et après réécouter l'AFK parce qu'il n'y a pas de raison qu'il fasse autant de vues que nous. Oui. Je vous invite aussi à écouter, c'est des vieux épisodes, mais des épisodes de l'Agence Too Geek ou même du Quadratour auparavant où il y avait Post Carbone, qui est une espèce de chercheur scientifique écolo, voilà, et qui explique les différents problématiques dues à l'environnement qui pourraient amener l'humanité à se détruire. Voilà. Et toi, Manox, on te retrouve dans l'Aveyron du Capitaine. Bah ouais, bien sûr. Comme et Gare du Nord, je crois, vers 19h. Voilà, c'est ça, à côté du poteau. Et nous, on se retrouve sur iTunes pour que vous mettiez 5 étoiles, s'il vous plaît. Ah oui, 5 étoiles. Oui, ça n'avance pas beaucoup cette histoire. Hein. On n'a pas encore 100 étoiles. Ouais, on n'a même pas 100 reviews sur iTunes. Donc et ça, c'est un scandale. Demandez à votre mère, à votre grand-mère, à tout le monde. Sachant que maintenant, on est dans le guide des youtubeurs, je pense que tout le monde va nous mettre des étoiles. À mon ah bah oui, ah, bon, je pense, ouais. Bon, on se dit à bientôt. On sait avec pas sur quoi. Sujet, on sait avec pas un sujet aléatoire. Peut-être qu'on va. Moi, j'aimerais bien les serial killers. Et on pourrait, si on était complètement fou, on demanderait à l'invité de nous choisir le sujet, mais on le fera pas. On parle de quoi, toi, Manox, dans la prochaine FK? Ah, alors je sais pas, les tueurs en série, ça peut être un. Ah j'aurais préféré les serial killers, mais je prends. D'accord. Et toi, Alexis, une idée, toi, c'est les tueurs en série, je crois, c'est ça que tu voulais nous convaincre. Ouais, mais allemand. Ouais. Ça marche. Bon, on se retrouve bientôt. On vous dit bisous et faites attention à vous. Protégez-vous. Aux Nouvelles Jérusalem qui tombe du ciel. Faut pas être en dessous. Amen. Mais si ça arrive, épousez-les. Bisous. Salut. Bye bye. Ciao. Oh, ça y est.